Section 0 de Les chansons de Bilitis. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Herman Roskams. Les chansons de Bilitis par Pierre Louis. Section 0. Ce petit livre d'amour antique est dédié respectueusement aux jeunes filles de la société future. Vie de Bilitis. Bilitis naquit au commencement du VIe siècle avant notre ère, dans un village de montagne situé sur les bords du Mélas, vers l'orient de la Pamphylie. Ce pays est grave et triste, assombri par des forêts profondes, dominé par la masse énorme du Taurus. Des sources pétrifiantes sortent de la roche, de grands lacs salés séjournent sur les hauteurs, et les vallées sont pleines de silence. Elle était fille d'un Grec et d'une Phénicienne. Elle semble avoir ne pas connu son père, car il n'est mêlé nulle part au souvenir de son enfance. Peut-être même était-il mort avant qu'elle ne vînt au monde. Autrement, on s'expliquerait mal comment elle porte un nom phénicien que sa mère seule lui put donner. Sur cette terre presque déserte, elle vivait d'une vie tranquille avec sa mère et ses sœurs. D'autres jeunes filles qui furent ses amies habitaient non loin de là. Sur les pentes boisées du Taurus, les bergers paissaient leurs troupeaux. Le matin, dès le chant du coq, elle se levait, allait à l'étable, menait boire les animaux et s'occupait de traire leur lait. Dans la journée, s'il pleuvait, elle restait au gynécée et filait sa quenouille de laine. Si le temps était beau, elle courait dans les champs et faisait avec ses compagnes mille jeux dont elle nous parle. Bilitis avait à l'égard des nymphes une piété très ardente. Les sacrifices qu'elle offrait, presque toujours, étaient pour leur fontaine. Souvent même, elle leur parlait, mais il semble bien qu'elle ne les ait jamais vus, tant elle rapporte avec vénération les souvenirs d'un vieillard qui, autrefois, les avait surprises. La fin de son existence pastorale fut attristée par un amour sur lequel nous savons peu de choses, bien qu'elle en parle longuement. Elle cessa de le chanter dès qu'il devint malheureux. Devenue mère d'un enfant qu'elle abandonna, Bilitis quitta la Pamphylie, d'une façon assez mystérieuse, et ne revit jamais le lieu de sa naissance. Nous la retrouvons ensuite à Mytilène, où elle était venue par la route de mer, en longeant les belles côtes d'Asie. Elle avait à peine 16 ans, selon les conjectures de M. Heim, qui établit avec vraisemblance quelques dates dans la vie de Bilitis, d'après un vers qui fait allusion à la mort de Pittacos. Lesbos était alors le centre du monde, à mi-chemin entre la belle Attique et la fastueuse Lydie. Elle avait pour capitale une cité plus éclairée qu'Athènes et plus corrompue que Sardes, Mytilène, bâtie sur une presqu'île en vue des côtes d'Asie. La mer bleue entourait la ville. De la hauteur des temples, on distinguait à l'horizon la ligne blanche d'Atarnée, qui était le port de Pergame. Les rues étroites et toujours encombrées par la foule resplendissaient d'étoffes bariolées, tuniques de pourpre et d'hyacinthes, cyclas de soie transparentes, bassaras traînantes dans la poussière des chaussures jaunes. Les femmes portaient aux oreilles de grands anneaux d'or, enfilés de perles brutes, et aux bras des bracelets d'argent massifs, grossièrement ciselés en relief. Les hommes eux-mêmes avaient la chevelure brillante et parfumée d'huile rare. Les chevilles des Grecs étaient nues, dans le cliquetis des périsquilis, larges serpents de métal clair qui tintaient sur les talons. Celles des Asiatiques se mouvaient en des bottines molles et peintes. Par groupes, les passants stationnaient devant les boutiques toutes en façade et où l'on ne vendait que de l'étalage. Tapis de couleurs sombres, houches brochées de fils d'or, bijoux d'ambre et d'ivoire, selon les quartiers. L'animation de Mytilène ne cessait pas avec le jour. Il n'y avait pas d'heure si tardive où l'on entendît, par les portes ouvertes, des sons joyeux d'instruments, des cris de femmes et le bruit des danses. Pittakos même, qui voulait donner un peu d'ordre à cette perpétuelle débauche, fit une loi qui défendait aux joueuses de flûtes trop fatiguées de s'employer dans les festins nocturnes. Mais cette loi ne fut jamais sévère. Dans une société où les maris sont la nuit si occupés par le vin et les danseuses, les femmes devaient fatalement se rapprocher et trouver entre elles la consolation de leur solitude. De là vint qu'elles s'attendrirent à ces amours délicates auxquelles l'Antiquité donnait déjà leur nom, et qui entretiennent, quoi qu'en pensent les hommes, plus de passions vraies que de vicieuses recherches. Alors, Sappho était encore belle. Bilitis la connut, et elle nous parle d'elle sous le nom de Psappha, qu'elle portait à Lesbos. Sans doute, ce fut cette femme admirable qui apprit à la petite Pamphylienne l'art de chanter en phrases rythmées et de conserver à la postérité le souvenir des êtres chers. Malheureusement, Bilitis donne peu de détails sur cette figure aujourd'hui si mal connue, et il y a lieu de le regretter, tant le moindre mot eût été précieux touchant la grande inspiratrice. En revanche, elle nous a laissé en une trentaine d'élégies l'histoire de son amitié avec une jeune fille de son âge qui se nommait Mnasidika et qui vécut avec elle. Déjà, nous connaissions le nom de cette jeune fille par un vers de Sappho où sa beauté est exaltée. Mais ce nom même était douteux et Berck était prêt de penser qu'elle s'appelait simplement Mnaïs. Les chansons qu'on lira plus loin prouvent que cette hypothèse doit être abandonnée. Mnasidika semble avoir été une petite fille très douce et très innocente, un de ces êtres charmants qui ont pour mission de se laisser adorer, d'autant plus chéris qu'ils font moins d'efforts pour mériter ce qu'on leur donne. Les amours sans motif durent le plus longtemps. Celui-ci dura 10 années. On verra comment il se rompit par la faute de Bilitis, dont la jalousie excessive ne comprenait aucun éclectisme. Quand elle sentit que rien ne la retenait plus à Mytilène, sinon des souvenirs douloureux, Bilitis fit un second voyage. Elle se rendit à Chypre, île grecque et phénicienne, comme la Pamphylie elle-même, et qui dut lui rappeler souvent l'aspect de son pays natal. Ce fut là que Bilitis recommença pour la troisième fois sa vie, et d'une façon qu'il me sera plus difficile de faire admettre si l'on n'a pas encore compris à quel point l'amour était chose sainte chez les peuples antiques. Les courtisanes d'Amaonte n'étaient pas comme les nôtres, des créatures en déchéance, exilées de toute société mondaine. C'étaient des filles issues des meilleures familles de la cité et qui remerciaient Aphrodite de la beauté qu'elle leur avait donnée, en consacrant au service de son culte cette beauté reconnaissante. Toutes les villes qui possédaient, comme celle de Chypre, un temple riche en courtisanes, avait à l'égard de ses femmes les mêmes soins respectueux. L'incomparable histoire de Phrynée, telle qu'Athénée nous l'a transmise, donnera quelque idée d'une telle vénération. Il n'est pas vrai qu'Hypérie eut besoin de la mettre nue pour fléchir l'aréopage. Et pourtant, le crime était grand et l'avait assassinée. L'orateur ne déchira que le haut de sa tunique et révéla seulement les seins. Et il supplia les juges de ne pas mettre à mort la prêtresse et l'inspirée d'Aphrodite. Au contraire, des autres courtisanes qui sortaient vêtues des cyclas transparentes à travers lesquelles paraissaient tous les détails de leur corps, Phrynée avait coutume de s'envelopper même les cheveux dans un de ces grands vêtements plissés dont les figurines de Tanagre nous ont conservé la grâce. Nul, s'il n'était de ses amis, n'avait vu ses bras, ni ses épaules, et jamais elle ne se montrait dans la piscine des bains publics. Mais un jour, il se passa une chose extraordinaire. C'était le jour des fêtes de l'Eusis. 20 000 personnes, venues de tous les pays de la Grèce, étaient assemblées sur la plage, quand Phryné s'avança près des vagues. Elle ôta son vêtement. Elle défit sa ceinture, elle ôta même sa tunique de dessous. Elle déroula tous ses cheveux et elle entra dans la mer. Et dans cette foule, il y avait Praxitèle qui, d'après cette déesse vivante, dessina l'Aphrodité de Cnidée. Et Apelle qui entrevit la forme de son Anadyomène. Peuple admirable, devant qui la beauté pouvait paraître nue sans exciter le rire ni la fausse honte. Je voudrais que cette histoire fût celle de Bilitis, car, en traduisant ses chansons, je me suis pris à aimer l'Amnide de Mnasidika. Sans doute, sa vie fut tout aussi merveilleuse. Je regrette seulement qu'on n'en ait pas parlé davantage et que les auteurs anciens, ceux du moins qui ont survécu, soit si pauvre de renseignements sur sa personne. Philodème, qui l'a pilé deux fois, ne mentionne pas même son nom. À défaut de belles anecdotes, je prie qu'on veuille bien se contenter des détails qu'elle nous donne elle-même sur sa vie de courtisane. Elle fut courtisane, cela n'est pas niable, et même ses dernières chansons prouvent que si elle avait les vertus de sa vocation, elle en avait aussi les pires faiblesses. Mais je ne veux connaître que ses vertus. Elle était pieuse et même pratiquante. Elle demeura fidèle au temple tant qu'Aphrodite consentit à prolonger la jeunesse de sa plus pure adoratrice. Le jour où elle cessa d'être aimée, elle cessa d'écrire, dit-elle. Pourtant, il est difficile d'admettre que les chansons de Pamphylie aient été écrites à l'époque où elles ont été vécues. Comment une petite bergère de montagne eut-elle appris à scander ses vers selon les rythmes difficiles de la tradition éolienne? On trouvera plus vraisemblable que, devenue vieille, elle se plut à chanter pour elle-même les souvenirs de sa lointaine enfance. Nous ne savons rien sur cette dernière période de sa vie. Nous ne savons même pas à quel âge elle mourut. Son tombeau a été retrouvé par M.G. Heim à Palaeo Limiso, sur le bord d'une route antique, non loin des ruines d'Abatonte. Ces ruines ont presque disparu depuis 30 ans et les pierres de la maison où peut-être vécut Bilitis pavent aujourd'hui les quais de Porsaïde. Mais le tombeau était souterrain, selon la coutume phénicienne, et il avait échappé même aux voleurs de trésors. Monsieur Heim et pénétra par un puits étroit, comblé de terre, au fond duquel il rencontra une porte murée qu'il fallut démolir. Le caveau spacieux et bas, pavé de dalles de calcaire, avait 4 murs recouverts par des plaques d'amphibolite noire, où étaient gravées en capitales primitives toutes les chansons qu'on va lire, à part les 3 épitaphes qui décoraient le sarcophage. C'était là que reposait l'ami de Mnasidika, dans un grand cercueil de terre cuite, sous un couvercle modélé par un statuaire délicat qui avait figuré dans l'argile le visage de la morte. Les cheveux étaient peints en noir, les yeux à demi fermés et prolongés au crayon comme si elle eût été vivante, et la joue à peine attendrie par un sourire léger qui naissait des lignes de la bouche. Rien ne dira jamais ce qu'étaient ses lèvres, à la fois nettes et rebordées, molles et fines, unies l'une à l'autre, et comme enivrées de se joindre. Les traits célèbres de Bilitis ont été souvent reproduits par les artistes de l'Ionie, et le musée du Louvre possède une terre cuite de Rhodes, qui en est le plus parfait monument, après le buste de Larnaca. Quand on ouvrit la tombe, elle apparut dans l'état où une main pieuse l'avait rangée 24 siècles auparavant. Des fioles de parfum pendaient aux chevilles de terre, et l'une d'elles, après si longtemps, était encore embaumée. Le miroir d'argent poli, où Bilitis s'était vue, le stylet qui avait traîné le fard bleu sur ses paupières fut retrouvé à leur place. Une petite Astarté nue, relique à jamais précieuse, veillait toujours sur ses bijoux d'or et blanc comme une branche de neige. Mais si doux et si fragile qu'au moment où on l'effleura, il se confondit en poussière. Fin de section 0. Enregistré par Herman Roskams. Section 1 de Les chansons de Bilitis. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Astérix. Les chansons de Bilitis par Pierre Louis. Section 1. Bucolique en Pamphylie. Avivemi to melisma, que in siringi melisdo, kin avlola leo, kin zonaki, kin plai avlo. Théocrite. 1. L'arbre. Je me suis dévêtu pour monter un arbre. Mes cuisses nues embrassaient l'écorce lisse et humide. Mes sandales marchaient sur les branches. Tout en haut, mais encore sous les feuilles et à l'ombre de la chaleur, je me suis mise à cheval sur une fourche écartée, en balançant mes pieds dans le vide. Il avait plu. Des gouttes d'eau tombaient et coulaient sur ma peau. Mes mains étaient tachées de mousse. Et mes orteils étaient rouges à cause des fleurs écrasées. Je sentais le bel arbre vivre quand le vent passait au travers. Alors je serrai mes jambes davantage et j'appliquai mes lèvres ouvertes sur la nuque chevelue d'un rameau. 2. Chant pastoral. Il faut chanter un chant pastoral, invoquer Pan, dieu du vent d'été. Je garde mon troupeau et Sélénice le sien à l'ombre ronde d'un olivier qui tremble. Sélénice est couchée sur le pré. Elle se lève et court, ou cherche des cigales, ou cuit des fleurs avec des herbes, ou lave son visage dans l'eau fraîche du ruisseau. Moi, j'arrache la laine au dos blanc des moutons pour en garnir ma quenouille. Et je file. Les heures sont lentes. Une aigle passe dans le ciel. L'ombre tourne, changeant de place la corbeille de figues et la jarre de lait. Il faut chanter un chant pastoral, invoquer Pan, dieu du vent d'été. 3. Paroles maternelles. Ma mère me baigne dans l'obscurité. Elle m'habille au grand soleil et me coiffe dans la lumière. Mais si je sors au clair de lune, elle serre ma ceinture et fait une double nœud. Elle me dit, joue avec les vierges, danse avec les petits enfants, ne regarde pas par la fenêtre, fuis la parole des jeunes hommes et redoute le conseil des veuves. Un soir, quelqu'un, comme pour toutes, te viendra prendre sur le seuil au milieu d'un grand cortège de tympanons sonores et de flûtes amoureuses. Ce soir-là, quand tu t'en iras, Bilito, tu me laisseras 3 gourdes de fiel. Une pour le matin, une pour le midi, et la troisième, la plus amère, la troisième pour les jours de fête. 4. Les pieds nus. J'ai les cheveux noirs le long de mon dos et une petite calotte ronde. Ma chemise est de laine blanche. mes jambes fermes brunissent au soleil. Si j'habitais la ville, j'aurais des bijoux d'or et des chemises dorées et des souliers d'argent. Je regarde mes pieds nus dans leurs souliers de poussière. Psophis, viens ici, petite pauvre, porte-moi jusqu'aux sources, lave mes pieds dans tes mains, et presse des olives avec des violettes pour les parfumer sur les fleurs. Tu seras aujourd'hui mon esclave, tu me suivras et tu me serviras. Et à la fin de la journée, je te donnerai pour ta mère des lentilles du jardin de la mienne. 5. Le vieillard et les nymphes. Un vieillard aveugle habite la montagne. Pour avoir regardé les nymphes, ses yeux sont morts, voilà longtemps. Et depuis, son bonheur est un souvenir lointain. Oui, je les ai vus, m'a-t-il dit. Elopsychria, Lamnontis, elles étaient debout près du bord, dans l'étang vert de Physos. L'eau priait plus haut que leurs genoux. Leurs nuques se penchaient sous les cheveux longs. Leurs ongles étaient minces comme des ailes de cigales. Leurs mamelons étaient creux comme des calices de jacinthe. Elles promenaient leurs doigts sur l'eau et tiraient de la vase invisible les nénuphars à longues tiges. Autour de leurs cuisses séparées, des cercles lentes s'élargissaient. Fin de la section 1. Section 2 des chansons de Blitis. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les chansons de Blitis par Pierre Louis, section 2. 6. Chansons. Tortie-tortue, que fais-tu là au milieu? Je dévie de la laine et le fil de millet. Hélas, hélas, que ne viens-tu danser? J'ai beaucoup de chagrin, j'ai beaucoup de chagrin. Tortie-tortue, que fais-tu là au milieu? Je taille un roseau pour la flûte funèbre. Hélas, hélas, qu'est-il arrivé? Je ne le dirai pas, je ne le dirai pas. Tortie-tortue, que fais-tu là au milieu? Je presse les olives pour l'huile de la stèle. Hélas, hélas, et qui donc est mort? Peux-tu le demander? Peux-tu le demander? Tortie-tortue, que fais-tu là au milieu? Il est tombé dans la mer. Hélas, hélas, et comment cela? Du haut des chevaux blancs, du haut des chevaux blancs. 7. Le passant. Comme j'étais assise le soir devant la porte de la maison, un jeune homme est venu à passer. Il m'a regardé, j'ai tourné la tête. Il m'a parlé, je n'ai pas répondu. Il a voulu m'approcher. J'ai pris une faux contre le mur et je lui aurais fendu la joue s'il avait avancé d'un pas. Alors, reculant un peu, il se mit à sourire et souffla vers moi dans sa main, disant « Reçois le baiser ». Et j'ai crié, j'ai pleuré, tant que ma mère est accourue, inquiète, croyant que j'avais été piquée par un scorpion. Je pleurais, il m'a embrassée. Ma mère aussi m'a embrassée et m'a emportée dans ses bras. 8. Le réveil. Il fait déjà grand jour, je devrais être levée, mais le sommeil du matin est doux et la chaleur du lit me retient blottie. Je veux rester couchée encore. Tout à l'heure, j'irai dans l'étable. Je donnerai aux chèvres de l'herbe et des fleurs et l'outre d'eau fraîche tirée du puits, où je boirai en même temps qu'elles. Puis, je les attacherai au poteau pour traire les douces mamelles tièdes, et si les chevreaux n'en sont pas jaloux, je sucerai avec eux les têtes assouplies. Amalthéa n'a-t-elle pas nourri Zeus? J'irai donc, mais pas encore. Le soleil s'est levé très tôt et ma mère n'est pas éveillée. 9. La pluie. La pluie fine a mouillé toute chose, très doucement. et en silence. Il pleut encore un peu. Je vais sortir sous les arbres. Pieds nus pour ne pas tacher mes chaussures. La pluie au printemps est délicieuse. Les branches chargées de fleurs mouillées ont un parfum qui m'étourdit. On voit briller au soleil la peau délicate des écorces. Hélas, que de fleurs sur la terre, ayez pitié des fleurs tombées. Il ne faut pas les balayer et les mêler dans la boue, mais les conserver aux abeilles. Les scarabées et les limaces traversent le chemin entre les flaques d'eau. Je ne veux pas marcher sur eux, ni effrayer ce lézard doré qui s'étire et cligne des paupières. 10. Les fleurs. Nymphes des bois et des fontaines, amies bienfaisantes, je suis là. Ne vous cachez pas, mais venez m'aider, car je suis fort en peine de tant de fleurs cueillies. Je veux choisir dans toute la forêt une pauvre amadriade aux bras levés, et dans ses cheveux couleur de feuilles, je piquerai ma plus lourde rose. Voyez, j'en ai tant pris au champ que je ne pourrai les rapporter si vous ne m'en faites un bouquet. Si vous refusez, prenez garde. Celle de vous qui a les cheveux orangés, je l'ai vue hier saillie comme une bête par le satyre Lamprosatès, et je dénoncerai l'impudique. Fin de la section 2. Enregistré par Séverine. Section 3. Des chansons de Bilitis. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Nathalie Mussard. Les chansons de Bilitis par Pierre Louis. Section 3. 11. Impatience. Je me jetai dans ses bras en pleurant, et longtemps elle sentit couler mes larmes chaudes sur son épaule, avant que ma douleur me laissât parler. Hélas, je ne suis qu'une enfant. Les jeunes hommes ne me regardent pas. Quand aurais-je comme toi des seins de jeune fille qui gonflent la robe et tendent le baiser? Nul n'a les yeux curieux si ma tunique glisse. Nul ne ramasse une fleur qui tombe de mes cheveux, nul ne dit qu'il me tuera si ma bouche se donne à un autre. Elle m'a répondu tendrement. Bilitis, petite vierge, tu cries comme une chatte à la lune et tu t'agites sans raison. Les filles les plus impatientes ne sont pas les plus tôt choisies. 12. Les comparaisons. Bergeronnette, oiseau de Kypris, chante avec nos premiers désirs. Le corps nouveau des jeunes filles se couvre de fleurs comme la terre. La nuit de tous nos rêves approche, et nous en parlons entre nous. Parfois nous comparons ensemble nos beautés si différentes, nos chevelures déjà longues, nos jeunes seins encore petits, nos pubertés rondes comme des cailles, et blotties sous la plume naissante. Hier je luttais de la sorte contre Mélanto, mon aînée. Elle était fière de sa poitrine qui venait de croître en un mois, et, montrant ma tunique droite, elle m'avait appelée « petit enfant ». Pas un homme ne pouvait nous voir, nous nous mîmes nus devant les filles, et, si elle vainquit sur un point, je l'emportais de loin sur les autres. Bergeronnette, oiseau de Kypris, chante avec nos premiers désirs. 13. La rivière de la forêt. Je me suis baignée seule dans la rivière de la forêt. Sans doute je faisais peur aux naïades, car je les devinais à peine et de très loin sous l'eau obscure. Je les ai appelées. Pour leur ressembler tout à fait, j'ai tressé derrière ma nuque des iris noirs comme mes cheveux, avec des grappes de giroflées jaunes. D'une longue herbe flottante, je me suis fait une ceinture verte, et pour la voir, je pressais mes seins en penchant un peu la tête. Et j'appelais « Naïade, naïade, jouez avec moi, soyez bonne !» Mais les naïades sont transparentes, et peut-être, sans le savoir, j'ai caressé leurs bras légers. 14. Phita Meliaï. Dès que le soleil sera moins brûlant, nous irons jouer sur les bords du fleuve. Nous lutterons pour un crocos frêle et pour une jacinthe mouillée. Nous ferons le collier de la ronde et la guirlande de la course. Nous nous prendrons par la main et par la queue de nos tuniques. Phita Meliaï, donnez-nous du miel. Phita Naïade, baignez-nous avec vous. Phita Meliades, donnez l'ombre douce à nos corps en sueur. et nous vous offrirons, nymphes bienfaisantes, non le vin honteux, mais l'huile et le lait, et des chèvres aux cornes courbes. 15. La bague symbolique. Les voyageurs qui reviennent de Sardes parlent des colliers et des pierres qui chargent les femmes de Lydie, du sommet de leurs cheveux jusqu'à leurs pieds fardés. Les filles de mon pays n'ont ni bracelet ni diadème, mais leurs doigts portent une bague d'argent, et sur le chaton est gravé le triangle de la déesse. Quand elles tournent la pointe en dehors, cela veut dire « psyché à prendre ». Quand elles tournent la pointe en dedans, cela veut dire « psyché prise ». Les hommes y croient, les femmes non. Pour moi, je ne regarde guère de quel côté la pointe se tourne, car psyché se délivre aisément. Psyché est toujours à prendre. Fin de la section 3. Enregistré par Nathalie Mussard. Section 4 des chansons de Bilitis. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les chansons de Bilitis par Pierre Louis. Section 4. 16. Les danses au clair de lune. Sur l'herbe molle, dans la nuit, les jeunes filles aux cheveux de violette ont dansé toutes ensemble, et l'une des deux faisait les réponses de l'amant. Les vierges ont dit « Nous ne sommes pas pour vous », et comme si elles étaient honteuses, elles cachaient leur virginité. Un égypan jouait de la flûte sous les arbres. Les autres ont dit « Vous nous viendrez chercher ». Elles avaient serré leurs robes en tunique d'homme, et elles luttaient sans énergie en mêlant leurs jambes dansantes. Puis chacune, se disant vaincue, a pris son amie par les oreilles comme une coupe par les deux anses, et, la tête penchée, a bu le baiser. 17. Les petits-enfants. La rivière est presque à sec. Les joncs flétris meurent dans la fange. L'air brûle, et loin des berges creuses, un ruisseau clair coule sur les graviers. C'est là que du matin au soir les petits-enfants nus viennent jouer. Ils se baignent, pas plus haut que leurs mollets, tant la rivière est basse. Mais ils marchent dans le courant et glissent quelquefois sur les roches, et les petits garçons jettent de l'eau sur les petites filles qui rient. Et quand une troupe de marchands qui passent mène boire au fleuve les énormes bœufs blancs, ils croisent leurs mains derrière eux et regardent les grandes bêtes. 18. Les contes. Je suis aimée des petits-enfants. Dès qu'ils me voient, ils courent à moi, et s'accrochent à ma tunique et prennent mes jambes dans leurs petits bras. S'ils ont cueilli des fleurs, ils me les donnent toutes. S'ils ont pris un scarabée, ils le mettent dans ma main. S'ils n'ont rien, ils me caressent et me font asseoir devant eux. Alors ils m'embrassent sur la joue, ils posent leur tête sur mes seins, ils me supplient avec les yeux. Je sais bien ce que cela veut dire. Cela veut dire, Bilitis chérie, dis-nous, car nous sommes gentils, l'histoire du héros Perséus ou la mort de la petite Hélée. XIX. L'ami marié. Nos mères étaient grosses en même temps, et ce soir elle s'est mariée, Mélissa, ma plus chère amie. Les roses sont encore sur la route, les torches n'ont pas fini de brûler. Et je reviens par le même chemin, avec maman, et je songe. Ainsi, ce qu'elle est aujourd'hui, moi aussi j'aurais pu l'être. Suis-je déjà si grande fille? Le cortège, les flûtes, le chant nuptial et le char fleuri de l'époux, toutes ces fêtes, un autre soir, se dérouleront autour de moi parmi les branches d'olivier. Comme à cette heure même, Mélissa, je me dévoilerai devant un homme. Je connaîtrai l'amour dans la nuit, et plus tard des petits-enfants se nourriront à mes seins gonflés. 20. Les confidences. Le lendemain, je suis allée chez elle, et nous avons rougi dès que nous nous sommes vus. Elle m'a fait entrer dans sa chambre pour que nous fussions toutes seules. J'avais beaucoup de choses à lui dire, mais en la voyant, j'oubliais. Je n'osais pas même me jeter à son cou, je regardais sa ceinture haute. Je m'étonnais que rien n'eût changé sur son visage, qu'elle semblât encore mon amie, et que cependant, depuis la veille, elle eût appris tant de choses qui m'effarouchaient. Soudain, je m'assis sur ses genoux, je la pris dans mes bras, je lui parlai à l'oreille vivement, anxieusement. Alors elle mit sa tête contre la mienne et me dit tout. Fin de la section 4 des chansons de Bilitis, enregistrée par Séverine. Section 5 des chansons de Bilitis. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Nathalie Mussard. Les chansons de Bilitis par Pierre Louis. Section 5. 21. La lune aux yeux bleus. La nuit, les chevelures des femmes et les branches des saules se confondent. Je marchais au bord de l'eau. Tout à coup, j'entendis chanter. Alors seulement je reconnus qu'il y avait là des jeunes filles. Je leur dis « Que chantez-vous ? » Elles répondirent « Ceux qui reviennent. » L'une attendait son père et l'autre son frère, mais celle qui attendait son fiancé était la plus impatiente. Elles avaient tressé pour eux des couronnes et des guirlandes, coupé des palmes aux palmiers et tiré des lotus de l'eau. Elles se tenaient par le cou et chantaient l'une après l'autre. Je m'en allais le long du fleuve tristement et toute seule. Mais en regardant autour de moi, je vis que derrière les grands arbres la lune aux yeux bleus me reconduisait. 22. Réflexion. Non traduite. 23. Chanson. Ombre du bois. Ombre du bois, où elle devait venir, dis-moi, où est allée ma maîtresse ? Elle est descendue dans la plaine. Plaine, où est allée ma maîtresse ? Elle a suivi les bords du fleuve. Beau fleuve qui l'a vue passer, dis-moi, est-elle près d'ici ? Elle m'a quitté pour le chemin. Chemin, la vois-tu encore ? Elle m'a laissé pour la route. Ô route blanche, route de la ville, dis-moi, où l'as-tu conduite ? À la rue d'or qui entre à Sardes. Ô rue de lumière, touches-tu ses pieds nus ? Elle est entrée au palais du roi. Ô palais, splendeur de la terre, rends-la-moi. Regarde. Elle a des colliers sur les seins et des houppes dans les cheveux, sans perles le long des jambes, deux bras autour de la taille. 24. Lycas. Venez, nous irons dans les champs, sous les buissons de genévriers, nous mangerons du miel dans les ruches, nous ferons des pièges à sauterelles avec des tiges d'asphodèle. Venez, nous irons voir Lycas, qui garde les troupeaux de son père sur les pentes du Taurus ombreux. Sûrement il nous donnera du lait. J'entends déjà le son de sa flûte. C'est un joueur fort habile. Voici les chiens et les agneaux, et lui-même, debout contre un arbre. N'est-il pas beau comme Adonis ? Ô Lycas, donne-nous du lait. Voici des figues de nos figuiers. Nous allons rester avec toi. Chèvres barbues, ne sautez pas, de peur d'exciter les boucs inquiets. 25. L'offrande à la déesse. Ce n'est pas pour l'Artémis qu'on adore à Perga, cette guirlande tressée par mes mains, bien que l'Artémis soit une bonne déesse qui me gardera des couches difficiles. Ce n'est pas pour l'Athéna qu'on adore à Cide, bien qu'elle soit d'ivoire et d'or et qu'elle porte dans la main une pomme de grenade qui tente les oiseaux. Non, c'est pour l'Aphrodite que j'adore dans ma poitrine, car elle seule me donnera ce qui manque à mes lèvres, si je suspends à l'arbre sacré ma guirlande de tendres roses. Mais je ne dirai pas tout haut ce que je la supplie de m'accorder. Je me hausserai sur la pointe des pieds, et par la fente de l'écorce je lui confierai mon secret. Fin de la section 5. Enregistrée par Nathalie Mussard. Section 6. Des chansons de Bilitis. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Nathalie Mussard. Les chansons de Bilitis par Pierre Louis. Section 6. 26. L'amie complaisante. L'orage a duré toute la nuit. Sélénis, aux beaux cheveux, était venue filer avec moi. Elle est restée de peur de la boue. Nous avons entendu les prières, et serrées l'une contre l'autre, nous avons empli mon petit lit. Quand les filles couchent à deux, le sommeil reste à la porte. Bilitis, dis-moi, dis-moi, qui tu aimes ? Elle faisait glisser sa jambe sur la mienne pour me caresser doucement. Et elle a dit, devant ma bouche, « Je sais, Bilitis, qui tu aimes. »

pétrie dans l'eau fraîche et légère. Quand il l'a serrée sur ma peau, j'ai pensé défaillir tant cette terre était froide. De mon sein moulé, il a fait une coupe, arrondie et ombiliquée. Il l'a mise séchée au soleil et l'a peinte de pourpre et d'ocre en pressant des fleurs tout autour. Puis nous sommes allés jusqu'à la fontaine qui est consacrée aux nymphes et nous avons jeté la coupe dans le courant avec des tiges de giroflée. 33. Rose dans la nuit. Dès que la nuit monte au ciel, le monde est à nous et aux dieux. Nous allons des champs à la source, des bois obscurs aux clairières où nous mènent nos pieds nus. Les petites étoiles brillent assez pour les petites ombres que nous sommes. Quelquefois, sous les branches basses, nous trouvons des biches endormies. Mais plus charmant la nuit que toute autre chose, il est un lieu connu de nous seuls et qui nous attire à travers la forêt, un buisson de roses mystérieuses. Car rien n'est divin sur la terre à l'égal du parfum des roses dans la nuit. Comment se fait-il qu'au temps où j'étais seule, je ne m'en sentais pas enivrée? 34. Les remords. D'abord, je n'ai pas répondu, et j'avais la honte sur les joues, et les battements de mon cœur faisaient mal à mes seins. Puis j'ai résisté. J'ai dit « Non, non !» J'ai tourné la tête en arrière, et le baiser n'a pas franchi mes lèvres, ni l'amour mes genoux serrés. Alors il m'a demandé pardon. Il m'a embrassé les cheveux. J'ai senti son haleine brûlante et il est parti. Maintenant je suis seule. Je regarde la place vide, le bois désert, la terre foulée, et je mords mes poings jusqu'au sang et j'étouffe mes cris dans l'herbe. 35. Le sommeil interrompu. Toute seule, je m'étais endormie, comme une perdrix dans la bruyère. Le vent léger, le bruit des eaux, la douceur de la nuit m'avaient retenu là. Je me suis endormie, imprudente, et je me suis réveillée en criant, et j'ai lutté, et j'ai pleuré, mais déjà il était trop tard. Et que peuvent les bras d'une fille? Il ne me quitta pas, au contraire, plus tendrement dans ses bras, il me serra contre lui, et je ne vis plus au monde, ni la terre, ni les arbres, mais seulement la lueur de ses yeux. À toi, Kypris, victorieuse, je consacre ces offrandes encore mouillées de rosée, vestiges des douleurs de la Vierge, témoins de mon sommeil et de ma résistance. Fin de la section 7. Enregistrée par Nathalie Mussard. Section 8. Des chansons de Bilitis. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Nathalie Mussard. Les chansons de Bilitis par Pierre Louis. Section 8. 36. Aux laveuses. Laveuse, ne dites pas que vous m'avez vue. Je me confie à vous, ne le répétez pas. Entre ma tunique et mes seins, je vous apporte quelque chose. Je suis comme une petite poule effrayée. Je ne sais pas si j'oserais vous dire. Mon cœur bat comme si je mourais. C'est un voile que je vous apporte. Un voile et les rubans de mes jambes. Vous voyez, il y a du sang. Par l'Apollon, c'est malgré moi. Je me suis bien défendue. Mais l'homme qui aime est plus fort que nous. Lavez-les bien. N'épargnez ni le sel ni la craie. Je mettrai 4 bols pour vous au pied de l'Aphrodite et même une drachme d'argent. 37. Chanson. Quand il est revenu, je me suis caché la figure avec les deux mains. Il m'a dit « Ne crains rien. Qui a vu notre baiser? Qui nous a vus? La nuit et la lune. Et les étoiles et la première aube. La lune s'est mirée au lac et l'a dit à l'eau sous les saules. L'eau du lac l'a dit à la rame. Et la rame l'a dit à la barque. Et la barque l'a dit au pêcheur. Hélas, hélas, si c'était tout. Mais le pêcheur l'a dit à une femme. Le pêcheur l'a dit à une femme, mon père et ma mère et mes sœurs, et tout oula, hélas, le saura. 38. Bilitis. Une femme s'enveloppe de laine blanche, une autre se vêt de soie et d'or, une autre se couvre de fleurs, de feuilles vertes et de raisins. Moi, je ne saurais vivre que nu. Mon amant, prends-moi comme je suis, sans robe, ni bijoux, ni sandales, voici Bilitis toute seule. Mes cheveux sont noirs de leur noir, et mes lèvres rouges de leur rouge. Mes boucles flottent autour de moi, libres et rondes comme des plumes. Prends-moi telle que ma mère m'a faite, dans une nuit d'amour lointaine, et si je te plais ainsi, n'oublie pas de me le dire. 39. La petite maison. La petite maison où est son lit est la plus belle de la terre. Elle est faite avec des branches d'arbres, quatre murs de terre sèche et une chevelure de chaume. Je l'aime, car nous y couchons depuis que les nuits sont fraîches, et plus les nuits sont fraîches, plus elles sont longues aussi. Au jour levant, je me sens enfin lassée. Le matelas est sur le sol, deux couvertures de laine noire enferment nos corps qui se réchauffent. Sa poitrine refoule mes seins, mon cœur bat. Il m'étreint si fort qu'il me brisera, pauvre petite fille que je suis. Mais dès qu'il est en moi, je ne sais plus rien du monde, et on me couperait les quatre membres sans me réveiller de ma joie. 40. La joie. Non traduite. Fin de la section 8. Enregistrée par Nathalie Mussard. Section 9. Des chansons de Bilitis. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Nathalie Mussard. Les chansons de Bilitis par Pierre Louis. Section 9. 41. La lettre perdue. Hélas sur moi, j'ai perdu sa lettre. Je l'avais mise entre ma peau et mon strophion, sous la chaleur de mon sein. J'ai couru, elle sera tombée. Je vais retourner sur mes pas. Si quelqu'un la trouvait, on le dirait à ma mère, et je serais fouettée devant mes sœurs moqueuses. Si c'est un homme qui l'a trouvée, il me la rendra. Ou même, s'il veut me parler en secret, je sais le moyen de la lui ravir. Si c'est une femme qui l'a lue, ô Zeus gardien, protège-moi, car elle le dira à tout le monde, où elle me prendra mon amant. 42. Chanson. La nuit est si profonde qu'elle entre dans mes yeux. Tu ne verras pas le chemin, tu te perdras dans la forêt. Le bruit des chutes d'eau remplit mes oreilles. Tu n'entendrais pas la voix de ton amant même s'il était à 20 pas. L'odeur des fleurs est si forte que je défaille et vais tomber. Tu ne le sentirais pas s'il croisait ton passage. Ah, il est bien loin d'ici, de l'autre côté de la montagne, mais je le vois, et je l'entends, et je le sens, comme s'il me touchait. 43. Le serment. Lorsque l'eau des fleuves remontera jusqu'au sommet couvert de neige, lorsqu'on sèmera l'orge et le blé dans les sillons mouvants de la mer, lorsque les pins naîtront des lacs et les nénuphars des rochers, lorsque le soleil deviendra noir, lorsque la lune tombera sur l'herbe, alors, mais alors seulement, je prendrai une autre femme, et je t'oublierai, Bilitis, âme de ma vie, cœur de mon cœur. Il me l'a dit, il me l'a dit, que m'importe le reste du monde, où es-tu, bonheur insensé qui te compare à mon bonheur. 44. La nuit. C'est moi maintenant qui le recherche. Chaque nuit, très doucement, je quitte la maison et je vais par une longue route jusqu'à sa prairie, le regarder dormir. Quelquefois je reste longtemps sans parler, heureuse de le voir seulement, et j'approche mes lèvres des siennes pour ne baiser que son haleine. Puis tout à coup je m'étends sur lui, il se réveille dans mes bras, et il ne peut plus se relever car je lutte. Il renonce et rit et m'étreint. Ainsi nous jouons dans la nuit. Première aube, ô clarté méchante, toi déjà? En quel antre toujours nocturne, sur quelle prairie souterraine pourrons-nous si longtemps aimer que nous perdions ton souvenir? 45. Berceuse. Dors, j'ai demandé à Sardes tes jouets et tes vêtements à Babylone. Dors, tu es fille de Bilitis et d'un roi du soleil levant. Les bois, ce sont les palais qu'on bâtit pour toi seul et que je t'ai donnés. Les troncs des pins, ce sont les colonnes. Les hautes branches, ce sont les voûtes. Dors. Pour qu'il ne t'éveille pas, je vendrai le soleil à la mer. Le vent des ailes de la colombe est moins léger que ton haleine. Fille de moi, chère de ma chair, tu diras quand tu ouvriras les yeux si tu veux la plaine ou la ville, ou la montagne ou la lune, ou le cortège blanc des dieux. Fin de la section 9. Enregistré par Nathalie Mussard. Section 10 de Les chansons de Bilitis. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Herman Roskans. Les chansons de Bilitis par Pierre Louis. Section 10. 46. Le tombeau des naïades. Le long du bois, couvert de givre, je marchais. Mes cheveux devant ma bouche se fleurissaient de petits glaçons, et mes sandales étaient lourdes de neige, fangeuses et tassées. Il me dit : Que cherches-tu ? Je suis la trace du satyre. Ses petits pas fourchus alternent comme des trous dans un manteau blanc. Il me dit : Les satyres sont morts. Les satyres et les nymphes aussi. Depuis 30 ans, il n'a pas fait un hiver aussi terrible. La trace que tu vois est celle d'un bouc. Mais restons ici, où est leur tombeau. Et avec le fer de sa houe, il cassa la glace de la source où jadis riaient les naïades. Il prenait de grands morceaux froids et, les soulevant vers le ciel pâle, il regardait au travers. Deuxième partie, élégie à Mytilène. Ev morphoterra mnasidika, tasapala virinoche. Sappho. 47. Au vaisseau. Beau navire qui m'amenait ici le long des côtes de l'Ionie, je t'abandonne aux flots brillants et d'un pied léger je saute sur la grève. Tu vas retourner au pays où la Vierge est l'amie des nymphes. N'oublie pas de remercier les conseillères invisibles et porte-leur en offrande ce rameau cueilli par mes mains. Tu fus peint. Et sur la montagne, le vaste nôtre aux enflammés agitait tes branches épineuses, tes écureuils et tes oiseaux. Que le Boréus maintenant te guide et te pousse mollement vers le port. Nef noire, escortée des dauphins au gré de la mer bienveillante. 48. Psapha. Je me frotte les yeux. Il fait déjà jour, je crois. Ah ! Qui est auprès de moi ? Une femme ? Par la Paphia. J'avais oublié. Oh, charité, que je suis honteuse ! Dans quel pays suis-je venue ? Et quelle est cette île-ci où l'on entend ainsi l'amour ? Si je n'étais pas ainsi lassée, je croirais à quelque rêve. Est-il possible que ce soit là sa fin ? Elle le dort. Elle est certainement belle, bien que ses cheveux soient coupés comme ceux d'un athlète. Mais cet étrange visage, cette poitrine virile et ses hanches étroites, je veux m'en aller avant qu'elle ne s'éveille. Hélas ! Je suis du côté du mur. Il me faudra l'enjamber. J'ai peur de frôler sa hanche et qu'elle ne me reprenne au passage. 49. La danse de Glotis et de Kyssé. Deux petites filles m'ont emmené chez elles et, dès que la porte fut fermée, elles allumèrent au feu la mèche de la lampe et voulurent danser pour moi. Leurs joues n'étaient pas fardées, aussi brunes que leur petit ventre. Elles se tiraient par les bras et parlaient en même temps, dans une agonie de gaieté. Assises sur leur matelas, que portaient deux tréteaux élevés, Glottis chantait à voix aiguë et frappait en mesure ses petites mains sonores. Qui sait, dansait par saccade, puis s'arrêtait, essoufflé par le rire, et, prenant sa sœur par les seins, la mordait à l'épaule et la renversait comme une chèvre qui veut jouer. Fin de section 10. Enregistré par Herman Roskams. Section 11 de Les chansons de Bilitis. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Herman Roskams. Les chansons de Bilitis par Pierre Louis. Section 11. 50. Les conseils. Alors, Silikmas est entrée et, nous voyant si familière, elle s'est assise sur le banc. Elle a pris Glottis sur son genou, kissé sur l'autre et elle a dit « Viens ici, petite. » Mais je restais loin. Elle reprit « As-tu peur de nous ? Approche-toi. Ces enfants t'aiment. Elles t'apprendront ce que tu ignores. » Le miel des caresses de la femme. L'homme est violent et paresseux, tu le connais sans doute. Elle, il a la poitrine plate, la peau rude, les cheveux ras, les bras velus. Mais les femmes sont toutes belles. Les femmes seules savent aimer. Reste avec nous, Bilitis. Reste, et si tu as une âme ardente, tu verras ta beauté comme dans un miroir sur le corps de tes amoureuses. 51. L'incertitude. De Glottis ou de qui sait, je ne sais qui j'épouserai. Comme elles ne se ressemblent pas, l'une ne me consolerait pas de l'autre, et j'ai peur de mal choisir. Chacune d'elles a l'une de mes mains. L'une de mes mamelles aussi. Mais à qui donnerais-je ma bouche? À qui donnerais-je mon cœur et tout ce qu'on ne peut partager? Nous ne pouvons rester ainsi toutes les trois dans la même maison. On en parle dans Mytilène. Hier, devant le temple d'Arès, une femme ne m'a pas dit « Salut ». C'est Glottis que je préfère, mais je ne puis répudier qui sait. Que deviendrait-elle toute seule? Les laisserais-je ensemble comme elles étaient et prendrais-je une autre amie? 52. La rencontre. Je l'ai trouvée comme un trésor dans un champ sous un buisson de myrte, enveloppée de la gorge aux pieds dans un péplos jaune brodé de bleu. Je n'ai pas d'amis, m'a-t-elle dit, car la ville la plus proche est à 40 stades d'ici. Je vis seul avec ma mère, qui est veuve et toujours triste. Si tu veux, je te suivrai. Je te suivrai jusqu'à ta maison, fût-elle de l'autre côté de l'île, et je vivrai chez toi jusqu'à ce que tu me renvoies. Ta main est tendre, tes yeux sont bleus. Partons. Je n'emporte rien avec moi que la petite Aphrodité qui est pendue à mon collier. Nous la mettrons près de la tienne et nous leur donnerons des roses en récompense de chaque nuit. 53. La petite Aphrodité de terre cuite. La petite Aphrodité, gardienne qui protège Mnasidika, fut modélée à Camiros par un potier fort habile. Elle est grande comme le pouce et de terre fine et jaune. Ses cheveux retombent en s'arrondissant sur ses épaules étroites. haute. Ses yeux sont longuement fendus et sa bouche est toute petite. Car elle est là, très belle. De la main droite, elle désigne sa divinité qui est criblée de petits trous sur le bas-ventre et le long des aines. Car elle est là, très amoureuse. Du bras gauche, elle soutient ses mamelles pesantes et rondes. Entre ses hanches élargies, se gonfle un ventre fécondé, car elle est la mère de toutes choses. 54. Le désir. Elle entra et passionnément, les yeux fermés à demi, elle unit ses lèvres aux miennes, et nos langues se connurent. Jamais il n'y eut dans ma vie un baiser comme celui-là. Elle était debout contre moi, tout en amour et consentante. Un de mes genoux, peu à peu, montait entre ses cuisses chaudes, qui cédaient comme pour un amant. Ma main rampante sur sa tunique cherchait à deviner le corps dérobé, qui tour à tour onduleux se pliait ou cambré se raidissait avec des frémissements de la peau. De ses yeux en délire, elle désignait le lit. Mais nous n'avions pas le droit d'aimer avant la cérémonie des noces. Et nous nous séparâmes. Brusquement. 55. Les noces. Le matin, on fit le repas de noces dans la maison d'Acalanthis qu'elle avait adoptée pour mère. Mnasidika portait le voile blanc et moi, la tunique virile. Et ensuite, au milieu de 20 femmes, elle a mis ses robes de fête. On l'a parfumée de baccharis, on l'a poudrée de poudre d'or, on lui a ôté ses bijoux. Dans sa chambre pleine de feuillage, elle m'a attendu comme un époux. Et je l'ai emmenée sur un char entre moi et la nymphagogue, et les passants nous acclamaient. On a chanté le chant nuptial, les flûtes ont chanté aussi. J'ai emporté Mnasidika sous les épaules et sous les genoux. Et nous avons passé le seuil couvert de roses. Fin de section 11. Enregistré par Herman Roskams. Section 12. Des chansons de Bilitis. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Nathalie Mussard. Les chansons de Bilitis par Pierre Louis. Section 12. 56. Le lit. Non traduite. 57. Le passé qui survit. Je laisserai le lit comme elle l'a laissé, défait et rompu, les draps mêlés, afin que la forme de son corps reste empreinte à côté du mien. Jusqu'à demain, je n'irai pas au bain. Je ne porterai pas de vêtements, et je ne peignerai pas mes cheveux, de peur d'effacer les caresses. Ce matin, je ne mangerai pas, ni ce soir, et sur mes lèvres, je ne mettrai ni rouge, ni poudre, afin que son baiser demeure. Je laisserai les volets clos, et je n'ouvrirai pas la porte, de peur que le souvenir resté ne s'en aille avec le vent. 58. La métamorphose. Je fus jadis amoureuse de la beauté des jeunes hommes, et le souvenir de leurs paroles, jadis, me tint éveillée. Je me souviens d'avoir gravé un nom dans l'écorce d'un platane. Je me souviens d'avoir laissé un morceau de ma tunique dans un chemin où passait quelqu'un. Je me souviens d'avoir aimé. Ô Panikis, mon enfant, en quelle main t'ai-je laissé? Comment, ô malheureuse, t'ai-je abandonné? Aujourd'hui, Mnasidika, seule et pour toujours, me possède. Qu'elle reçoive en sacrifice le bonheur de ceux que j'ai quittés pour elle. 59. Le tombeau sans nom. Mnasidika, m'ayant prise par la main, me mena hors des portes de la ville, jusqu'à un petit champ inculte où il y avait une stèle de marbre, et elle me dit « Celle-ci fut l'amie de ma mère ». Alors je sentis un grand frisson, et sans cesser de lui tenir la main, je me penchai sur son épaule afin de lire les quatre vers entre la coupe creuse et le serpent. Ce n'est pas la mort qui m'a enlevé, mais les nymphes des fontaines. Je repose ici sous une terre légère avec la chevelure coupée de Xanto. Qu'elle seule me pleure, je ne dis pas mon nom. Longtemps nous sommes restés debout, et nous n'avons pas versé la libation. Car comment appeler une âme inconnue d'entre les foules de l'Hadès ? 60. Les trois beautés de Mnasidika. Pour que Mnasidika soit protégée des dieux, j'ai sacrifié à l'Aphrodita, qui aime les sourires, deux lièvres mâles et deux colombes. Et j'ai sacrifié à l'Arès deux coqs armés pour la lutte, et à la sinistre Hécata, deux chiens qui hurlaient sous le couteau. Et ce n'est pas sans raison que j'ai imploré ces trois immortels, car Mnasidika porte sur son visage le reflet de leur triple divinité. Ses lèvres sont rouges comme le cuivre, ses cheveux bleuâtres comme le fer, et ses yeux noirs comme l'argent. Fin de la section 12. Enregistrée par Nathalie Mussard. Section 13. Des chansons de Bilitis. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Nathalie Mussard. Les chansons de Bilitis par Pierre Louis. Section 13. 61. L'antre des nymphes. Tes pieds sont plus délicats que ceux de Tétis argentine. Entre tes bras croisés, tu réunis tes seins, et tu les berces mollement comme deux beaux corps de colombe. Sous tes cheveux, tu dissimules tes yeux mouillés, ta bouche tremblante et les fleurs rouges de tes oreilles. Mais rien n'arrêtera mon regard ni le souffle chaud du baiser. Car dans le secret de ton corps, c'est toi, Mnasidika aimée, qui recèle l'antre des nymphes dont parle le vieil Homéros, le lieu où les naïades tissent des linges de pourpre, le lieu où coulent, goutte à goutte, des sources intarissables, et d'où la porte du nord laisse descendre les hommes, et où la porte du sud laisse entrer les immortels. 62. Les seins de Mnasidika. Avec soin, elle ouvrit d'une main sa tunique et me tendit ses seins tièdes et doux, ainsi qu'on offre à la déesse une paire de tourterelles vivantes. « Aime-les bien, » me dit-elle, « je les aime tant. Ce sont des chéris, des petits-enfants. Je m'occupe d'eux quand je suis seule, je joue avec eux, je leur fais plaisir. Je les lave avec du lait, je les poudre avec des fleurs. Mes cheveux fins qui les essuient sont chers à leurs petits bouts. Je les caresse en frissonnant, je les couche dans de la laine. Puisque je n'aurai jamais d'enfants, sois leur nourrisson, mon amour. » Et puisqu'ils sont si loin de ma bouche, donne-leur des baisers de ma part. 63. La contemplation, non traduite. 64. La poupée. Je lui ai donné une poupée de cire aux joues roses. Ses bras sont attachés par de petites chevilles, et ses jambes elles-mêmes se plient. Quand nous sommes ensemble, elle la couche entre nous, et c'est notre enfant. Le soir, elle la berce et lui donne le sein avant de l'endormir. Elle lui a tissé trois petites tuniques, et nous lui donnons des bijoux le jour des aphrodisies, des bijoux et des fleurs aussi. Elle a soin de sa vertu et ne la laisse pas sortir sans elle, pas au soleil surtout, car la petite poupée fondrait en gouttes de cire. 65. Tendresse. Ferme doucement tes bras, comme une ceinture sur moi. Ô touche ma peau ainsi. Ni l'eau, ni la brise de midi ne sont plus douces que ta main. Aujourd'hui, chéris-moi, petite sœur, c'est ton tour. Souviens-toi des tendresses que je t'ai apprises la nuit dernière, et près de moi qui suis lasse, agenouille-toi sans parler. Tes lèvres descendent de mes lèvres, tous tes cheveux défaits les suivent, comme la caresse suit le baiser. Ils glissent sur mon sein gauche, ils me cachent tes yeux. Donne-moi ta main. Qu'elle est chaude. Serre la mienne. Ne la quitte pas. Les mains mieux que les bouches s'unissent, et leur passion ne s'égale à rien. Fin de la section 13. Enregistrée par Nathalie Mussard. Section 14. Des chansons de Bilitis. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Nathalie Mussard. Les chansons de Bilitis par Pierre Louis. Section 14. 66. Je. Plus que ses balles ou sa poupée, je suis pour elle un jouet. De toutes les parties de mon corps, elle s'amuse comme une enfant. Pendant de longues heures, sans parler, elle défait ma chevelure et la reforme selon son caprice. Tantôt nouée sous le menton, comme une étoffe épaisse, ou tordue en chignon ou tressée jusqu'au bout. Elle regarde avec étonnement la couleur de mes cils, le pli de mon coude. Parfois, elle me fait mettre à genoux et poser les mains sur les draps. Alors, et c'est un de ses jeux, elle glisse sa petite tête par-dessous et imite le chevreau, tremblant, qui s'allaite au ventre de sa mère. 67. Épisode. Non traduite. 68. Pénombre. Sous le drap de laine transparent, nous nous sommes glissés, elle et moi. Même nos têtes étaient blotties, et la lampe éclairait l'étoffe au-dessus de nous. Ainsi je voyais son corps chéri dans une mystérieuse lumière. Nous étions plus près l'une de l'autre, plus libres, plus intimes, plus nus, dans la même chemise, disait-elle. Nous étions restés coiffés pour être encore plus découvertes, et dans l'air étroit du lit, deux odeurs de femmes montaient, des deux cassolettes naturelles. Rien au monde, pas même la lampe, ne nous a vus cette nuit-là. Laquelle de nous fut aimée, elle seule et moi le pourrions dire, mais les hommes n'en sauront rien. 69. La dormeuse. Elle dort dans ses cheveux défaits, les mains mêlées derrière la nuque. Rêve-t-elle? Sa bouche est ouverte, elle respire doucement. Avec un peu de cygne blanc, j'essuie, mais sans l'éveiller, la sueur de ses bras, la fièvre de ses joues. Ses paupières fermées sont deux fleurs bleues. Tout doucement, je vais me lever. J'irai puiser l'eau, traire la vache et demander du feu au voisin. Je veux être frisée et vêtue quand elle ouvrira les yeux. Sommeil, demeure encore longtemps entre ses beaux cils recourbés et continue la nuit heureuse par un songe de bon augure. 70. Le baiser. Je baiserai d'un bout à l'autre les longues ailes noires de ta nuque, ô doux oiseau, colombe prise dont le cœur bondit sous ma main. Je prendrai ta bouche dans ma bouche comme un enfant prend le sein de sa mère. Frissonne, car le baiser pénètre profondément et suffirait à l'amour. Je promènerai mes lèvres comme du feu sur tes bras autour de ton cou, et je ferai tourner sur tes côtes chatouilleuses la caresse étirante des ongles. Écoute bruire en ton oreille toute la rumeur de la mer, Mnasidika, ton regard m'importune. J'enfermerai dans mon baiser tes paupières frêles et brûlantes. Fin de la section 14. Enregistrée par Nathalie Mussard. Section 15. Des chansons de Bilitis. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Nathalie Mussard. Les chansons de Bilitis par Pierre Louis. Section 15. 71. Les soins jaloux. Il ne faut pas que tu te coiffes, de peur que le fer trop chaud ne brûle ta nuque ou tes cheveux. Tu les laisseras sur tes épaules et répandus le long de tes bras. Il ne faut pas que tu t'habilles, de peur qu'une ceinture ne rougisse les plis effilés de ta hanche. Tu resteras nue comme une petite fille. Même, il ne faut pas que tu te lèves, de peur que tes pieds fragiles ne s'endolorissent en marchant. Tu reposeras au lit, ô victime d'Eros, et je panserai ta pauvre plaie. Car je ne veux voir sur ton corps d'autre marque, Mnasidika, que la tache d'un baiser trop long, l'égratignure d'un ongle aigu ou la barre pourprée de mon étreinte. 72. L'étreinte éperdue. Aime-moi, non pas avec des sourires, des flûtes ou des fleurs tressées, mais avec ton cœur et tes larmes, comme je t'aime avec ma poitrine et avec mes gémissements. Quand tes seins s'alternent à mes seins, quand je sens ta vie contre ma vie, quand tes genoux se dressent derrière moi, alors ma bouche haletante ne sait même plus trouver la tienne. Étreins-moi comme je t'étreins, vois, La lampe vient de mourir, nous roulons dans la nuit, mais je presse ton corps brûlant et j'entends ta plainte perpétuelle. Gémis, gémis, gémis, ô femme, Eros nous traîne dans la douleur, tu souffrirais moins sur ce lit pour mettre un enfant au monde que pour accoucher de ton amour. 73. Reprise. Non traduite. 74. Le cœur. Haletante, je lui pris la main et je l'appliquai fortement sous la peau moite de mon sein gauche, et je tournai la tête ici et là et je remuai les lèvres sans parler. Mon cœur affolé, brusque et dur, battait et battait ma poitrine, comme un satyre emprisonné heurterait, ployé dans une outre. Elle me dit, « Ton cœur te fait mal. » « Ô Mnasidika, répondis-je, le cœur des femmes n'est pas là. Celui-ci est un pauvre oiseau, une colombe qui remue ses ailes faibles. Le cœur des femmes est plus terrible. Semblable à une petite baie de myrte, il brûle dans la flamme rouge et sous une écume abondante. C'est là que je me sens mordu par la vorace Aphrodite. » 75. Parole dans la nuit. Nous reposons, les yeux fermés. Le silence est grand autour de notre couche, nuit ineffable de l'été. Mais elle, qui me croit endormie, pose sa main chaude sur mon bras. Elle murmure, « Bilitis, tu dors ?» Le cœur me bat, mais sans répondre. Je respire régulièrement comme une femme couchée dans les rêves. Alors elle commence à parler. « Puisque tu ne m'entends pas, dit-elle, ah, que je t'aime !» Et elle répète mon nom, « Bilitis, Bilitis !» Et elle m'effleure du bout de ses doigts tremblants. « C'est à moi cette bouche, à moi seule. Y en a-t-il une plus belle au monde ? Ah, mon bonheur, mon bonheur ! C'est à moi ces bras nus, cette nuque et ces cheveux. » Fin de la section 15, enregistrée par Nathalie Mussard. Section 16. Des chansons de Bilitis. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Nathalie Mussard. Les chansons de Bilitis par Pierre Louis. Section 16. 76. L'absence. Elle est sortie. Elle est loin. Mais je la vois, car tout est plein d'elle dans cette chambre. Tout lui appartient, et moi comme le reste. Ce lit encore tiède où je laisse errer ma bouche est foulé à la mesure de son corps. Dans ce coussin tendre a dormi sa petite tête enveloppée de cheveux. Ce bassin est celui où elle s'est lavée. Ce peigne a pénétré les nœuds de sa chevelure emmêlée. Ses pantoufles prirent ses pieds nus. Ses poches de gaz continrent ses seins. Mais ce que je n'ose toucher du doigt, c'est ce miroir où elle a vu ses meurtrissures toutes chaudes et où subsiste peut-être encore le reflet de ses lèvres mouillées. 77. L'amour. Hélas, si je pense à elle, ma gorge se dessèche, ma tête retombe, mes seins durcissent et me font mal, je frissonne et je pleure en marchant. Si je la vois, mon cœur s'arrête, mes mains tremblent, mes pieds se glacent, une rougeur de feu monte à mes joues, mes tempes battent douloureusement. Si je la touche, je deviens folle, mes bras se raidissent, mes genoux défaillent, je tombe devant elle, et je me couche comme une femme qui va mourir. De tout ce qu'elle me dit, je me sens blessée. Son amour est une torture, et les passants entendent mes plaintes. Hélas, comment puis-je l'appeler bien-aimée ? 78. La purification. Te voilà, défais tes bandelettes, et tes agrafes, et ta tunique. Ôte jusqu'à tes sandales, jusqu'au ruban de tes jambes, jusqu'à la bande de ta poitrine. Lave le noir de tes sourcils et le rouge de tes lèvres. Efface le blanc de tes épaules et défrise tes cheveux dans l'eau. Car je veux t'avoir toute pure, telle que tu naquis sur le lit, au pied de ta mère féconde et devant ton père glorieux. Si chaste que ma main dans ta main te fera rougir jusqu'à la bouche, et qu'un mot de moi sous ton oreille affolera tes yeux tournoyants. 79. La berceuse de Mnasidika. Ma petite enfant, si peu d'années que j'ai de plus que toi-même, je t'aime, non pas comme une amante, mais comme si tu étais sorti de mes entrailles laborieuses, lorsque, étendu sur mes genoux, tes deux bras frêles autour de moi, tu cherches mon sein, la bouche tendue, et me tête avec lenteur entre tes lèvres palpitantes. Alors je rêve qu'autrefois j'ai allaité réellement cette bouche douillette, souple et baignée, ce vase mirin couleur de pourpre, où le bonheur de Bilitis est mystérieusement enfermé. Dors, je te bercerai d'une main sur mon genou qui se lève et s'abaisse. Dors ainsi, je chanterai pour toi les petites chansons lamentables qui endorment les nouveau-nés. 80. Promenade au bord de la mer. Comme nous marchions sur la plage sans parler, et enveloppées jusqu'au menton dans nos robes de laine sombre, des jeunes filles joyeuses ont passé. « Ah, c'est Bilitis et Mnasidika. Voyez le beau petit écureuil que nous avons pris. Il est doux comme un oiseau et effaré comme un lapin. Chez Lydée, nous le mettrons en cage et nous lui donnerons beaucoup de lait avec des feuilles de salade. C'est une femelle, elle vivra longtemps. » Et les folles sont parties en courant. Pour nous, sans parler, nous nous sommes assises, moi sur une roche, elle sur le sable, et nous avons regardé la mer. Fin de la section 16. Enregistrée par Nathalie Mussard. Section 17. Des chansons de Bilitis. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Nathalie Mussard. Les chansons de Bilitis par Pierre Louis. Section 17. 81. L'objet. Salut, Bilitis. Mnasidika, salut. Assieds-toi. Comment va ton mari? Trop bien. Ne lui dites pas que vous m'avez vu. Il me tuerait s'il me savait ici. Sois sans crainte. Et voilà votre chambre? Et voilà votre lit? Pardonne-moi, je suis curieuse. Tu connais cependant le lit de Myrinée? Si peu. On l'a dit joli. Et la cive? Oh, ma chère, mais taisons-nous. Que voulais-tu de moi? Que tu me prêtes? Parle. Je n'ose nommer l'objet. Nous n'en avons pas. Vraiment? Mnasidika est vierge. Alors où en acheter? Chez le cordonnier, Dracon. Dis aussi, qui te vend ton fil à broder? Le mien se casse dès qu'on le regarde. Je le fais moi-même, mais Naïs en vend d'excellents. À quel prix? 3 oboles. C'est cher. Et l'objet? 2 drachmes. Adieu. 82. Soir près du feu. L'hiver est dur, Mnasidika. Tout est froid hors notre lit. Lève-toi, cependant, viens avec moi, car j'ai allumé un grand feu avec des souches mortes et du bois fendu. Nous nous chaufferons accroupis, toutes nues, nos cheveux sur le dos, et nous boirons du lait dans la même coupe, et nous mangerons des gâteaux au miel. Comme la flamme est sonore et gaie. N'es-tu pas trop près? Ta peau devient rouge. Laisse-moi la baiser partout où le feu la fait brûlante. Au milieu des tisons ardents, je vais chauffer le fer et te coiffer ici. Avec les charbons éteints, j'écrirai ton nom sur le mur. 83. Prière. Que veux-tu? Dis-le. S'il le faut, je vendrai mes derniers bijoux pour qu'une esclave attentive guette le désir de tes yeux, la soif quelconque de tes lèvres. Si le lait de nos chèvres te semble fade, je louerai pour toi, comme pour un enfant, une nourrice aux mamelles gonflées qui chaque matin t'allaitera. Si notre lit te semble rude, j'achèterai tous les coussins mous, toutes les couvertures de soie, tous les draps fourrés de plumes des marchandes amathusiennes. Tout, mais il faut que je te suffise, et si nous dormions sur la terre, il faut que la terre te soit plus douce que le lit chaud d'une étrangère. 84. Les yeux. Larges yeux de Mnasidika, combien vous me rendez heureuse quand l'amour noircit vos paupières et vous anime et vous noie sous les larmes. Mais combien folle quand vous vous détournez ailleurs, distrait par une femme qui passe ou par un souvenir qui n'est pas le mien. Alors mes joues se creusent, mes mains tremblent et je souffre. Il me semble que de toutes parts et devant vous ma vie s'en va. Larges yeux de Mnasidika, ne cessez pas de me regarder, ou je vous trouerai avec mon aiguille et vous ne verrez plus que la nuit terrible. 85. Les phares. Tout, et ma vie, et le monde, et les hommes. Tout ce qui n'est pas elle n'est rien. Tout ce qui n'est pas elle, je te le donne, passant. C'est elle que de travaux j'accomplis pour être belle à ses yeux. Par ma coiffure et par mes fards, par mes robes et mes parfums, Aussi longtemps je tournerai la meule, je ferai plonger la rame ou je bêcherai la terre, s'il fallait à ce prix la retenir ici. Mais faites qu'elle ne l'apprenne jamais, déesse qui veillez sur nous. Le jour où elle saura que je l'aime, elle cherchera une autre femme. Fin de la section 17. Enregistrée par Nathalie Mussard. Section 18. Des chansons de Bilitis. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Nathalie Mussard. Les chansons de Bilitis par Pierre Louis. Section 18. 86. Le silence de Mnasidika. Elle avait ri toute la journée, et même elle s'était un peu moquée de moi. Elle avait refusé de m'obéir devant plusieurs femmes étrangères. Quand nous sommes rentrés, j'ai affecté de ne pas lui parler, et comme elle se jetait à mon cou en disant « Tu es fâchée ?» Je lui ai dit « Ah, tu n'es plus comme autrefois, tu n'es plus comme le premier jour, je ne te reconnais plus, Mnasidika. » Elle ne m'a rien répondu, mais elle a mis tous ses bijoux qu'elle ne portait plus depuis longtemps, et la même robe jaune brodée de bleu que le jour de notre rencontre. 87. Scène. Où étais-tu ? Chez la marchande de fleurs. J'ai acheté des iris très beaux. Les voici, je te les apporte. Pendant si longtemps, tu as acheté 4 fleurs ? La marchande m'a retenu. Tu as les joues pâles et les yeux brillants. C'est la fatigue de la route. Tes cheveux sont mouillés et mêlés. C'est la chaleur et c'est le vent qui m'ont toutes décoiffée. On a dénoué ta ceinture. J'ai fait le nœud moi-même, plus lâche que celui-ci. Si lâche qu'elle s'est défaite, un esclave qui passait me l'a renouée. Il y a une trace à ta robe. C'est l'eau des fleurs qui est tombée. Mnasidika, ma petite âme, tes iris sont les plus beaux qu'il y ait dans tout Mytilène. Je le sais bien, je le sais bien. 88. Attente. Le soleil a passé toute la nuit chez les morts depuis que je l'attends. Assise sur mon lit, lasse d'avoir veillé, la mèche de la lampe épuisée a brûlé jusqu'à la fin. Elle ne reviendra plus. Voici la dernière étoile. Je sais bien qu'elle ne viendra plus. Je sais même le nom que je hais, et cependant j'attends encore. Qu'elle vienne maintenant, oui, qu'elle vienne. La chevelure défaite et sans rose, la robe souillée, tachée, froissée, la langue sèche et les paupières noires. Dès qu'elle ouvrira la porte, je lui dirai. Mais la voici. C'est sa robe que je touche, ses mains, ses cheveux, sa peau. Je l'embrasse d'une bouche éperdue, et je pleure. 89. La solitude. Pour qui maintenant farderai-je mes lèvres? Pour qui polirai-je mes ongles? Pour qui parfumerai-je mes cheveux? Pour qui mes seins poudrés de rouge, s'ils ne doivent plus la tenter? Pour qui mes bras lavés de lait, s'ils ne doivent plus jamais l'étreindre? Comment pourrais-je dormir? Comment pourrais-je me coucher? Ce soir, ma main, dans tout mon lit, n'a pas trouvé sa main chaude. Je n'ose plus rentrer chez moi, dans la chambre affreusement vide. Je n'ose plus rouvrir la porte. Je n'ose même plus rouvrir les yeux. 90. Lettre. Cela est impossible, impossible. Je t'en supplie à genoux, avec larmes, toutes les larmes que j'ai pleurées sur cette horrible lettre. Ne m'abandonne pas ainsi. Songes-tu combien c'est affreux de te reperdre à jamais pour la seconde fois, après avoir eu l'immense joie d'espérer te reconquérir? Ah, mes amours! Ne sentez-vous donc pas à quel point je vous aime? Écoute-moi, consens à me revoir encore une fois. Veux-tu être demain, au soleil couchant devant ta porte? Demain, ou le jour suivant, je viendrai te prendre. Ne me refuse pas cela. La dernière fois peut-être, soit, mais encore cette fois, je te le demande, je te le crie, et songe que de ta réponse dépend le reste de ma vie. Fin de la section 18. Enregistré par Nathalie Mussard. Section 19 des chansons de Bilitis. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les chansons de Bilitis par Pierre Louis. Section 19. 91. La tentative. Tu étais jalouse de nous, Gyrino, fille trop ardente. Que de bouquets as-tu fait suspendre au marteau de notre porte? Tu nous attendais au passage et tu nous suivais dans la rue. Maintenant, tu es selon tes vœux, étendu à la place aimée, et la tête sur ce coussin où flotte une autre odeur de femme. Tu es plus grande qu'elle n'était. Ton corps différent m'étonne. Regarde, je t'ai enfin cédé. Oui, c'est moi. Tu peux jouer avec mes seins, caresser ma hanche, ouvrir mes genoux. Mon corps tout entier s'est livré à tes lèvres infatigables. Hélas, ah, Gyrino, avec l'amour mes larmes aussi débordent. Essuie-les avec tes cheveux, ne les baisse pas, ma chérie, et enlace-moi de plus près encore pour maîtriser mes tremblements. L'effort. Encore, assez de soupirs et de bras étirés, recommence. Penses-tu donc que l'amour soit un délassement? Gyrino, c'est une tâche et de toute la plus rude. Réveille-toi, il ne faut pas que tu dormes. Que m'importe tes paupières bleues et la barre de douleur qui brûle tes jambes maigres? Astarté bouillonne dans mes reins. Nous nous sommes couchés avant le crépuscule, voici déjà la mauvaise aurore, mais je ne suis pas lasse pour si peu. Je ne dormirai pas avant le second soir. Je ne dormirai pas. Il ne faut pas que tu dormes. Oh, comme la saveur du matin est amère. Gyrino, apprécie-la. Les baisers sont plus difficiles, mais plus étranges et plus lents. 93. Myrinée, non traduite. 94. À Gyrino. Ne crois pas que je t'ai aimé. Je t'ai mangé comme une figue mûre, je t'ai bu comme une eau ardente, je t'ai porté autour de moi comme une ceinture de peau. Je me suis amusée de ton corps parce que tu as les cheveux courts, les seins en pointe sur ton corps maigre, et les mamelons noirs comme deux petites dattes. Comme il faut de l'eau et des fruits, une femme aussi est nécessaire, mais déjà je ne sais plus ton nom, toi qui as passé dans mes bras comme l'ombre d'une autre adorée. Entre ta chair et la mienne, un rêve brûlant m'a possédée. Je te serrais sur moi comme sur une blessure, et je criais « Mnasidika, Mnasidika, Mnasidika !» 95. Le dernier essai. Que veux-tu, vieille? Te consoler. C'est peine perdue. On m'a dit que depuis ta rupture, tu allais d'amour en amour, sans trouver l'oubli ni la paix. Je viens te proposer quelqu'un. Parle. C'est une jeune esclave née à Sardes. Elle n'a pas sa pareille au monde, car elle est à la fois homme et femme, bien que sa poitrine et ses longs cheveux et sa voix claire fassent illusion. Son âge? 16 ans. Sa taille? Grande. Elle n'a connu personne ici, hors Safa qui en était perdument amoureuse et a voulu me l'acheter 20 mines. Si tu la loues, elle est à toi. Et qu'en ferai-je? Voici 22 nuits que j'essaye en vain d'échapper aux souvenirs. Soit, je prendrai celle-ci encore. Mais préviens la pauvre petite pour qu'elle ne s'effraie point si je sanglote dans ses bras. Fin de la section 19 des chansons de Bilitis. Enregistrée par Séverine. Section 20 des chansons de Bilitis. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les chansons de Bilitis par Pierre Louis, section 20. 96. Le souvenir déchirant. Je me souviens. À quelle heure du jour ne l'ai-je pas devant mes yeux? Je me souviens de la façon dont elle soulevait ses cheveux avec ses faibles doigts si pâles. Je me souviens d'une nuit qu'elle passa, la joue sur mon sein, si doucement que le bonheur me tint éveillé, et le lendemain elle avait au visage la marque de la papille ronde. Je la vois tenant sa tasse de lait et me regardant de côté avec un sourire. Je la vois, poudrée et coiffée, ouvrant ses grands yeux devant son miroir et retouchant du doigt le rouge de ses lèvres. Et surtout, si mon désespoir est une perpétuelle torture, c'est que je sais, instant par instant, comment elle défaille dans les bras de l'autre, et ce qu'elle lui demande et ce qu'elle lui donne. 97. À la poupée de cire. Poupée de cire, jouet chéri qu'elle appelait son enfant, elle t'a laissé toi aussi, et elle t'oublie comme moi qui fus avec elle ton père ou ta mère, je ne sais. La pression de ses lèvres avait déteint tes petites joues. Et à ta main gauche, voici ce doigt cassé qui la fit tant pleurer. Cette petite cyclas que tu portes, c'est elle qui te l'a brodée. À l'entendre, tu savais déjà lire. Pourtant, tu n'étais pas sevrée. Et le soir, penchée sur toi, elle ouvrait sa tunique et te donnait le sein, afin que tu ne pleures pas, disait-elle. Poupée, si je voulais la revoir, je te donnerais à l'Aphrodite, comme le plus cher de mes cadeaux, mais je veux penser qu'elle est tout à fait morte. 98. Chant funèbre. Chantez un chant funèbre, muse mytilénienne, chantez. La terre est sombre comme un vêtement de deuil, et les arbres jaunes frissonnent comme des chevelures coupées. Héraios, ô moi triste et doux, les feuilles tombent doucement comme la neige, le soleil est plus pénétrant dans la forêt plus éclaircie. Je n'entends plus rien que le silence. Voici qu'on a porté au tombeau Pittacos, chargé d'années. Beaucoup sont morts que j'ai connus, et celle qui vit est pour moi comme si elle n'était plus. Celui-ci est le dixième automne que j'ai vu mourir sur cette plaine. Il est temps aussi que je disparaisse. Pleurez avec moi, muse mytilénienne. Pleurez sur mes pas. Épigramme dans l'île de Chypre. Αλλα με ναρκίσεις αναδύσατε και πλαιάβλων, γεύσατε και κροκίνης, χρήσατε γη αμύρης, και μυτιλινέο το πνεύμονα, τίξατε βάκρο, και συζεύξατε μη φωλάτα παρτενικήν. Φιλοδέμ. 99. Hymne à Astarté. Mère inépuisable, incorruptible, créatrice, née la première, engendrée par toi-même, conçue de toi-même, issue de toi seule et qui te réjouit en toi, Astarté. Ô perpétuellement fécondée, ô vierge et nourrice de tout, chaste et lascive, pure et jouissante, ineffable, nocturne, douce, respiratrice du feu, écume de la mer. Toi qui accordes en secret la grâce, toi qui unis, toi qui aimes, toi qui saisis d'un furieux désir les races multipliées des bêtes sauvages, et joins les sexes dans les forêts. Ô Astarté irrésistible, entends-moi, prends-moi, possède-moi, ô lune, et 13 fois, chaque année, arrache à mes entrailles la libation de mon sang. 100. Hymne à la nuit. Les masses noires des arbres ne bougent pas plus que des montagnes. Les étoiles emplissent un ciel immense. Un air chaud comme un souffle humain caresse mes yeux et mes joues. Ô nuit qui enfantait les dieux, comme tu es douce sur mes lèvres, comme tu es chaude dans mes cheveux, comme tu entres en moi ce soir et comme je me sens grosse de tout ton printemps. Les fleurs qui vont fleurir vont toutes naître de moi. Le vent qui respire est mon haleine, le parfum qui passe est mon désir. Toutes les étoiles sont dans mes yeux. Ta voix, est-ce le bruit de la mer? Est-ce le silence de la plaine? Ta voix, je ne la comprends pas, mais elle me jette la tête aux pieds et mes larmes lavent mes deux mains. Fin de la section 20 des chansons de Bilitis, enregistrée par Séverine. Section 21 des chansons de Bilitis. Ceci est un enregistrement LibriVox, tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les chansons de Bilitis par Pierre Louis, section 21. 101. Les ménades. À travers les forêts qui dominent la mer, les ménades se sont ruées. Mascalées au sein fougueux, hurlantes, brandissaient le phallos, qui était de bois de sycomore et barbouillé de vermillon. Toutes, sous la bassaris et les couronnes de pampres, couraient et criaient et sautaient, les crotales claquaient dans les mains, et les tirs se crevaient la peau des tympanons retentissants. Chevelures mouillées, jambes agiles, seins rougis et bousculés, sueur des joues, écume des lèvres, ô Dionysos, elle t'offrait en retour l'ardeur que tu jetais en elle. Et le vent de la mer relevant vers le ciel les cheveux roux de Héliocomis, les tordait comme une flamme furieuse sur une torche de blanche cire. 102. La mer de Kypris. Sur le plus haut promontoire, je me suis couché en avant. La mer était noire comme un champ de violettes. La voie lactée ruisselait de la grande mamelle divine. Mille ménades autour de moi dormaient dans les fleurs déchirées. Les longues herbes se mêlaient aux chevelures, et voici que le soleil naquit dans l'eau orientale. C'étaient les mêmes flots et les mêmes rivages qui virent un jour apparaître le corps blanc d'Aphrodita. Je cachai tout à coup mes yeux dans mes mains, car j'avais vu trembler sur l'eau mille petites lèvres de lumière, le sexe pur ou le sourire de Kypris Philoméides. 103. Les prêtresses de l'Astarté. Les prêtresses de l'Astarté font l'amour au lever de la lune, puis elles se relèvent et se baignent dans un bassin vaste aux margelles d'argent. De leurs doigts recourbés, elles peignent leurs chevelures, et leurs mains teintes de pourpre, mêlées à leurs boucles noires, semblent des branches de corail dans une mer sombre et flottante. Elles ne s'épilent jamais, pour que le triangle de la déesse marque leur ventre comme un temple, mais elles se teignent au pinceau, et se parfument profondément. Les prêtresses de l'Astarté font l'amour au coucher de la lune. Puis, dans une salle de tapis où brûle une haute lampe d'or, elles se couchent au hasard. 104. Les mystères. Dans l'enceinte trois fois mystérieuse, où les hommes ne pénètrent pas, nous t'avons fêté, Astarté de la nuit, mère du monde, fontaine de la vie des dieux. J'en révélerai quelque chose, mais pas plus qu'il n'est permis. Autour du phallos couronné, 120 femmes se balançaient en criant. Les initiés étaient en habits d'hommes, les autres en tuniques fendues. Les fumées des parfums, les fumées des torches, flottaient entre nous comme des nuées. Je pleurais à larmes brûlantes. Toutes, au pied de la Borbeia, nous nous sommes jetées sur le dos. Enfin, quand l'acte religieux fut consommé, et quand, dans le triangle unique, on eut plongé le phallos pourpré, alors le mystère commença, mais je n'en dirai pas davantage. 105. Les courtisanes égyptiennes. Je suis allée avec Plango chez les courtisanes égyptiennes, tout en haut de la vieille ville. Elles ont des amphores de terre, des plateaux de cuivre et des nattes jaunes où elles s'accroupissent sans effort. Leurs chambres sont silencieuses, sans angles et sans encoignures, tant les couches successives de chaux bleus ont émoussé les chapiteaux et arrondi le pied des murs. Elles se tiennent immobiles, les mains posées sur les genoux. Quand elles offrent la bouillie, elles murmurent « Bonheur ». Et quand on les remercie, elles disent « Grâce à toi ». Elles comprennent le hélène et feignent de le parler mal pour se rire de nous dans leur langue. Mais nous, dent pour dent, nous parlons lydien et elles s'inquiètent tout à coup. Fin de la section 21 des chansons de Bilitis, enregistrée par Séverine. Section 22 des chansons de Bilitis. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les chansons de Bilitis par Pierre Louis. Section 22. 106. Je chante ma chair et ma vie. Certes, je ne chanterai pas les amantes célèbres. Si elles ne sont plus, pourquoi en parler? Ne suis-je pas semblable à elles? N'ai-je pas trop de songer à moi-même? Je t'oublierai, Pasiphae, bien que ta passion fût extrême. Je ne te louerai pas, Syrinx, ni toi, Byblis, ni toi, par la déesse entre toutes choisie, Hélène au bras blanc. Si quelqu'un souffrit, je ne le sens qu'à peine. Si quelqu'un aima, j'aime davantage. Je chante ma chair et ma vie, et non pas l'ombre stérile des amoureuses enterrées. Reste couché, ô mon corps, selon ta mission voluptueuse. Savoure la jouissance quotidienne et les passions sans lendemain. Ne laisse pas une joie inconnue au regret du jour de ta mort. 107. Les parfums. Je me parfumerai toute la peau pour attirer les amants. Sur mes belles jambes, dans un bassin d'argent, je verserai du nard de Tarsos et du métopione d'Égypte. Sous mes bras, de la menthe crépue. sur mes cils et sur mes yeux de la marjolaine de Causse. Esclave, défais ma chevelure et emplis-la de fumée d'encens. Voici l'oïnantée, des montagnes de Chypre. Je la ferai couler entre mes seins. La liqueur de rose qui vient de Phacélis embaumera ma nuque et mes joues. Et maintenant répands sur mes reins la baccharis irrésistible. Il vaut mieux pour une courtisane connaître les parfums de Lydie que les mœurs du Péloponnèse. 108. Conversation. Bonjour. Bonjour aussi. Tu es bien pressé. Peut-être moins que tu ne penses. Tu es une jolie fille. Peut-être plus que tu ne crois. Quel est ton nom charmant? Je ne dis pas cela si vite. Tu as quelqu'un ce soir? Toujours celui qui m'aime. Et comment l'aimes-tu? Comme il veut. Soupons ensemble. Si tu le désires, mais que donnes-tu? Ceci. 5 drachmes? C'est pour mon esclave. Et pour moi, dis-toi-même. 100. Où demeures-tu? Dans cette maison bleue. À quelle heure veux-tu que je t'envoie chercher? Tout de suite, si tu veux. Tout de suite. Va devant. 109. La robe déchirée. Oh là, par les deux déesses, qui est l'insolent qui a mis le pied sur ma robe? C'est un amoureux. C'est un sot. J'ai été maladroit, pardonne-moi. L'imbécile, ma robe jaune est toute déchirée par derrière, et si je marche ainsi dans la rue, on va me prendre pour une fille pauvre qui sert la Kypris inverse. Ne t'arrêteras-tu pas? Je crois qu'il me parle encore. Me quitteras-tu ainsi fâchée? Tu ne réponds pas, hélas, je n'ose plus parler. Il faut bien que je rentre chez moi pour changer de robe. Et je ne puis te suivre? Qui est ton père? C'est le riche armateur Nicias. Tu as de beaux yeux, je te pardonne. 110. Les bijoux. Un diadème d'or ajouré couronne mon front étroit et blanc. 5 chaînettes d'or, qui font le tour de mes joues et de mon menton, se suspendent aux cheveux par de larges agrafes. Sur mes bras, qu'envillait Iris, 13 bracelets d'argent s'étagent. Qu'ils sont lourds, mais ce sont des armes, et je sais une ennemie qui en a souffert. Je suis vraiment toute couverte d'or. Mes seins sont cuirassés de 2 pectoraux d'or. Les images des dieux ne sont pas aussi riches que je le suis. Et je porte sur ma robe épaisse une cointure lamée d'argent. Tu pourras y lire ce vers. Aime-moi éternellement, mais ne sois pas affligé si je te trompe 3 fois par jour. Fin de la section 22 des chansons de Bilitis. Enregistrée par Séverine. Section 23. Des chansons de Bilitis. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Le Bigon. Les chansons de Bilitis par Pierre-Louis. 111. L'indifférent. Dès qu'il est entré dans ma chambre, quel qu'il soit, cela importe-t-il? Vois, dis-je à l'esclave, quel bel homme, et qu'une courtisane est heureuse. Je le déclare Adonis, Arès ou Héraclée, selon son visage, ou le veillard des mers, si ses cheveux sont de pâle argent. Et alors, quel dédain pour la jeunesse légère! Ah, fais-je! Si je n'avais pas de main à payer mon fleuriste et mon orfèvre, comme j'aimerais à te dire, je ne veux pas de teneur, je suis ta servante passionnée. Puisse, quand il a refermé ses bras sous mes épaules, je vois un batelier du port passer comme une image divin sur le ciel étoilé de mes paupières transparents. 112. L'eau pour du bassin. Ô pour du bassin, miroir immobile, dis-moi ma beauté. Ô Bilitis, ou qui que tu sois, Tétise peut-être, ou Amphitrite, tu es belle, sache-le. Ton visage se penche sous ta chevelure épaisse, gonflée des fleurs et de parfums. Tes paupières moulent sous verre à peine, et tes flancs sont là des mouvements de la mort. Ton cœur fatigué du poids de tes seins, porte les manques fines de l'ongle et des taches bleues du baiser. Tes bras sont rougis par l'étreinte. chaque ligne de ta peau fut aimée. Ô clair du bazin, ta fraîcheur repose. Reçois-moi, qui suis las en effet. Emporte le fard de mes joues, et la sueur de mon ventre, et le souvenir de la nuit. 113. La fête nocturne. Non traduite. 114. Volupté. Sur une terrasse blanche, la nuit, ils nous laissèrent évanouis dans les roses. La sueur chaude coulait comme des larmes de nos aisselles sur nos seins. Une volupté accablante empourprait nos têtes renversées. Quatre colombes captives, baignées dans quatre parfums, volétèrent au-dessus de nous en silence. De leurs ailes, sur les femmes nues, ruisselaient des gouttes de senteur. Je fus y donné des sens d'iris. Ô lassitude! Je reposai ma joue sur le ventre d'une jeune fille qui s'enveloppa de fraîcheur avec ma chevelure humide. L'odeur de sa peau safranée enverrait ma bouche ouverte. Elle ferma sa cuisse sur ma nuque. Je dormis, mais un rêve épuisant m'enveilla. Lynx, l'oiseau des désirs nocturnes, chantait éperdument au loin. Je toussai avec un frisson. Un bras languissé comme une fleur s'élevait peu à peu vers la lune, dans l'air. 115. L'hôtellerie. Hôtelière, nous sommes quatre. Donne-nous une chambre et deux lits. Il est trop tard maintenant pour rentrer à la ville, et la pluie a crevé la route. Apporte un corbeil des figues, du fromage et du vin noir. Mais ôte d'abord mes sandales et lave-moi les pieds, car la boue me chatouille. Tu feras porter dans la chambre deux bassins avec de l'eau, une lampe pleine, un cratère et des kylix. Tu secoueras les couvertures et tu battras les coussins. Mais que les lits soient de bon érable et que les planches soient muettes. Demain, tu ne nous réveillerais pas. Fin de section 23. Section 24 des chansons de Bilitis. Ceci est un enregistrement LibreVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibreVox.org. Enregistré par Les Bigones. Les chansons du Bilitis, par Pierre Louis. 116. La domesticité. Quatre esclaves gardent ma maison, deux thraces robustes à ma porte, un sicilien à ma cuisine, et une phrygienne docile et muette pour la surface de mon lit. Les deux thraces sont de beaux hommes. Ils ont un bâton à la main pour chasser les aimants pauvres, et un marteau pour clouer sur mes murs les couronnes, qu'on l'homme envoie. Le Sicilien est un cuisinier rare. Je lui ai payé 12 mines. Aucun autre ne sait comme lui préparer des croquettes frites et des gâteaux de coquelicot. La phrygienne me baigne, me coiffe, m'épile. Elle dort le matin dans ma chambre, et pendant 3 nuits, chaque mois, elle me remplace près de mes amants. 117. Le triomphe du Bilitis. Les processionnaires m'ont porté en triomphe, moi, Bilitis, toute nue sur un char en coquille, où des esclaves, pendant la nuit, avaient effeuillé 2000 roses. J'étais couché, les mains sur la nuque, mes pieds seuls étaient vêtus d'or, et mon corps s'allongeait mollement sur le lit de mes cheveux, tiède mêlé aux pétales frais. 2 enfants, les épaules ailées, me servaient comme une déesse. Les uns tenaient un parasol, les autres me mouillaient de parfum ou brûlaient de l'encens à la proue. Et autour de moi, j'entendais bruire la rumeur ardente de la foule, tandis que la laine des désirs flottait sur ma nudité dans les brumes bleues des aromates. 118. Assassin. chair en fleurs, ô mes seins, que vous êtes riche de volupté, mes seins dans mes mains, que vous avez de mollesse et de meluse chaleur et de jeunes parfums. Jadis vous étiez glacé comme une poitrine de statue et dur comme d'insensible marbre. Depuis que vous fléchissez, je vous chéris davantage, vous qui fûtes aimé. Votre forme lisse et ronflée et l'honneur de mon torse brun. Soit que je vous emprisonne sous la récit d'or, soit que je vous délèvre toutes nous, vous me précédez de votre splendeur. Soyez donc heureux cette nuit. Si mes doigts en fat et caressent, vous seul le serez jusqu'à demain matin, car cette nuit, Bilitis a payé Bilitis. 119. Liberté, non traduite. 120. Midzuris. Midzuris, petit ordre, ne pleure plus. Tu es mon ami. Si ces femmes t'insultent encore, c'est moi qui leur répondrai. Viens sous mon bras et sèche tes yeux. Oui, je sais que tu es une horrible enfant et que ta mère t'a pris de bonne heure à faire preuve de tous les courages. Mais tu es jeune, et c'est pourquoi tu ne peux rien faire qui ne soit charmant. La bouche d'une fille de 15 ans reste pure malgré tout. Les lèvres d'une femme chenue, même vierge, sont dégradées, car le seul opprobre est de vieillir, et de nous ne sommes flétris que par la ride. Midzuris, j'aime tes yeux francs, ton homme impudique et hardi, ta voix rieuse et ton corps léger. Viens chez moi, tu seras mon aide. Et quand nous sortirons ensemble, les femmes te diront « Salut ». Fin de section 24. Section 25 des chansons de Bilitis. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les chansons de Bilitis par Pierre Louis, section 25. 121. Le bain. Enfant, garde bien la porte et ne laisse pas entrer les passants, car moi et 6 filles aux beaux bras, nous nous baignons secrètement dans les eaux tièdes du bassin. Nous ne voulons que rire et nager. Laisse les amants dans la rue. Nous tremperons nos jambes dans l'eau et, assises sur le bord du marbre, nous jouerons aux osselets. Nous jouerons aussi à la balle. Ne laisse pas entrer les amants. Nos chevelures sont trop mouillées, nos gorges ont la chair de poule, et le bout de nos doigts se ride. D'ailleurs, il s'en repentirait, celui qui nous surprendrait nus. Bilitis n'est pas Athéna, mais elle ne se montre qu'à 16 heures et châtie les yeux trop ardents. 122. Au dieu de bois. Ô vénérable Priapos, dieu de bois que j'ai fait sceller dans le marbre du bord de mes bains, ce n'est pas sans raison, gardien des vergers, que tu veilles ici sur des courtisanes. Dieu, nous ne t'avons pas acheté pour te sacrifier nos virginités. Nul ne peut donner ce qu'il n'a plus, et les élatrices de Pallas ne courent pas les rues d'Amatonte. Non, tu veillais autrefois sur les chevelures des arbres, sur les fleurs bien arrosées, sur les fruits lourds et savoureux. C'est pourquoi nous t'avons choisi. Garde aujourd'hui nos têtes blondes, les pavots ouverts de nos lèvres et les violettes de nos yeux. Garde les fruits durs de nos seins et donne-nous des amants qui te ressemblent. 123. La danseuse au crotal. Tu attaches à tes mains légères tes crotales retentissants, Myrinidion ma chérie, et à peine nue hors de la robe, tu étires tes membres nerveux. Que tu es jolie, les bras en l'air, les reins arqués et les seins rouges. Tu commences. Tes pieds l'un devant l'autre se posent, hésitent et glissent mollement. Ton corps se plie comme une écharpe. Tu caresses ta peau qui frissonne et la volupté inonde tes longs yeux évanouis. Tout à coup, tu claques des crotales. Cambre-toi sur les pieds dressés. Secoue les reins, lance les jambes et que tes mains pleines de fracas appellent tous les désirs en bande autour de ton corps tournoyant. Nous applaudissons un grand cri, soit que, souriant sur l'épaule, tu agites d'un frémissement ta croupe convulsive et musclée, soit que tu ondules presque étendu au rythme de tes souvenirs. 124. La joueuse de flûte. Mélixo, les jambes serrées, le corps penché, les bras en avant, tu glisses ta double flûte légère entre tes lèvres mouillées de vin, et tu joues au-dessus de la couche où Téléas m'étreint encore. Ne suis-je pas bien imprudente, moi qui loue une aussi jeune fille pour distraire mes heures laborieuses, moi qui la montre ainsi nue au regard curieux de mes amants? Ne suis-je pas inconsidérée? Non, Mélixo, petite musicienne, tu es une honnête amie. Hier, tu ne m'as pas refusé de changer ta flûte pour une autre quand je désespérais d'accomplir un amour plein de difficultés. Mais tu es sûre, car je sais bien à quoi tu penses. Tu attends la fin de cette nuit excessive qui t'anime cruellement en vain, et au premier matin tu courras dans la rue, avec ton seul ami Psylos, vers ton petit matelas défoncé. 125. La ceinture chaude. Tu crois que tu ne m'aimes plus, Téléas, et depuis un mois tu passes tes nuits à table comme si les fruits, les vins, les miels pouvaient te faire oublier ma bouche. Tu crois que tu ne m'aimes plus, pauvre fou. Disant cela, j'ai dénoué ma ceinture en moiteur et je l'ai roulée autour de sa tête. Elle était toute chaude encore de la chaleur de mon ventre. Le parfum de ma peau sortait de ses mailles fines. Il la respira longuement, les yeux fermés. Puis je sentis qu'il revenait à moi. Et je vis même très clairement ses désirs réveillés qu'il ne me cachait point. Mais, par ruse, je sus résister. Non, mon ami, ce soir, Lysippos me possède. Adieu. Et j'ajoutai en m'enfuyant. Ô gourmand de fruits et de légumes, le petit jardin de Bilitis n'a qu'une figue, mais elle est bonne. Fin de la section 25 des chansons de Bilitis. Enregistrée par Séverine. Section 26 des chansons de Bilitis. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les chansons de Bilitis par Pierre Louis. Section 26. 126. À un mari heureux. Je t'envie, Agoracrites, d'avoir une femme aussi zélée. C'est elle-même qui soigne l'étable, et le matin, au lieu de faire l'amour, elle donne à boire aux bestiaux. Tu t'en réjouis. Que d'autres, dis-tu, ne songent qu'aux voluptés basses, veillent la nuit, dorment le jour, et demandent encore à l'adultère une satiété criminelle. Oui, ta femme travaille à l'étable. On dit même qu'elle a mille tendresses pour le plus jeune de tes ânes. Ah, c'est un bel animal. Il a une touffe noire sur les yeux. On dit qu'elle joue entre ses pattes, sous son ventre gris et doux. Mais ceux qui disent cela sont des médisants. Si ton âne lui plaît, Agoracrites, c'est que son regard sans doute lui rappelle le tien. À un égaré. L'amour des femmes est le plus beau de tous ceux que les mortels éprouvent. Et tu penserais ainsi, Cléon, si tu avais l'âme vraiment voluptueuse. Mais tu ne rêves que vanité. Tu perds tes nuits à chérir les éphèbes qui nous méconnaissent. Regarde-les donc, qu'ils sont laids. Compare à leurs têtes rondes nos chevelures immenses. Cherche nos seins blancs sur leurs poitrines. À côté de leurs flancs étroits, considère nos hanches luxuriantes, larges couches creusées pour l'amant. Dis enfin quelles lèvres humaines, sinon celles qu'il voudrait avoir, élaborent les voluptés. Tu es malade, ô Cléone, mais une femme te peut guérir. Va chez la jeune Satyra, la fille de ma voisine Gorgo. Sa croupe est une rose au soleil, et elle ne te refusera pas le plaisir qu'elle-même préfère. 128. Thérapeutique. Ô Asclépios, sois-moi propice, ô dieu de la santé divine. Le jour où l'éternelle nuit noire menacera mes yeux effrayés, car le poison de ma beauté, un jour, a servi de remède. On m'avait mandé en costume dans la chambre d'un jeune homme que les femmes ne tentaient point. Des caleçons crevés se collaient à mes cuisses, et mes seins jaillissaient nus d'une brassière brodée d'or. J'ai dansé selon le rite au son des crotales, les douze désirs d'Aphrodite. Et voici que l'amour est entré en lui tout à coup, et sur le lit de sa virginité j'ai recommencé toute la danse. « Tu sais te faire aimer, disait-il, mais tu n'en es pas ému. Que faut-il faire pour que tu m'aimes ?» Je le regardai plus loin que les yeux, et je lui dis avec lenteur, « T'imaginer que tu es femme. » 129. La commande. Vieille, écoute-moi. Je donne un festin dans 3 jours. Il me faut un divertissement. Tu me loueras toutes tes filles. Combien en as-tu, et que savent-elles faire? J'en ai 7. 3 dansent la cordax avec l'écharpe et le phallos. Néphélée, aux aisselles lisses, mimera l'amour de la colombe entre ses 5 couleurs de rose. Une chanteuse en péplos brodé chantera des chansons de Rhodes, accompagnée par 2 olétrides qui auront des guirlandes de myrte enroulées à leurs jambes brunes. C'est bien. Qu'elles soient épilées de frais, lavées et parfumées des pieds à la tête, prêtes à d'autres jeux si on les leur demande. Va donner les ordres. Adieu. 130. La figure de Pasiphae. Dans une débauche que 2 jeunes gens et des courtisanes firent chez moi, où l'amour ruissela comme le vin, Damalis, pour fêter son nom, dansa la figure de Pasiphae. Elle avait fait faire à Kition 2 masques de vache et de taureau, pour elle et pour Carmentides. Elle portait des cornes terribles et une queue véritable à son caleçon de cuir. Les autres femmes menées par moi, tenant des fleurs et des flambeaux, nous tournions sur nous-mêmes avec des cris, et nous caressions Damalis du bout de nos chevelures pendantes. Ces mugissements et nos chants et les danses effrénées ont duré plus que la nuit. La chambre vide est encore chaude. Je regarde mes mains rougies et les cantards de Chios où nagent des roses. Fin de la section 26 des chansons de Bilitis. Enregistrée par Séverine. Section 27 des chansons de Bilitis. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les chansons de Bilitis par Pierre Louis. Section 27. 131. La jongleuse. Quand la première aube se mêla aux lueurs affaiblies des flambeaux, je fis entrer dans l'orgie une joueuse de flûte vicieuse et agile qui tremblait un peu, ayant froid. Louée la petite fille aux paupières bleues, aux cheveux courts, aux seins aigus, vêtue seulement d'une ceinture d'où pendaient des rubans jaunes et des tiges d'iris noirs. Louée-la, car elle fut adroite et fit des tours difficiles. Elle jonglait avec des cerceaux, sans rien casser dans la salle, et se glissait au travers comme une sauterelle. Parfois elle faisait la roue sur les mains et sur les pieds. Ou bien, les 2 bras en l'air et les genoux écartés, elle se courbait à la renverse et touchait la terre en riant. 132. La danse des fleurs. Antis, danseuse de Lydie, a 7 voiles autour d'elle. Elle déroule le voile jaune, sa chevelure noire se répand. Le voile rose glisse de sa bouche, le voile blanc tombé laisse voir ses bras nus. Elle dégage ses petits seins du voile rouge qui se dénoue. Elle abaisse le voile vert de sa croupe jusqu'aux pieds. Elle tire le voile bleu de ses épaules, mais elle presse sur sa pudeur le dernier voile transparent. Les jeunes gens la supplient. Elle secoue la tête en arrière. Au son des flûtes seulement, elle le déchire un peu, puis tout à fait, et avec les gestes de la danse, elle cueille les fleurs de son corps, en chantant « Où sont mes roses? Où sont mes violettes parfumées ?» Où sont mes touffes de persil? Voilà mes roses, je vous les donne. Voilà mes violettes, en voulez-vous? Voilà mes beaux persils frisés. 133. La danse de Satyra. Non traduite. 134. Mitsouris couronnée. Non traduite. 135. La violence. Non, tu ne me prendras pas de force, n'y compte pas l'Amprias. Si tu as entendu dire qu'on a violé Parthénis, Sache qu'elle y a mis du sien, car on ne jouit pas de nous sans y être invité. Oh, va de ton mieux, fais des efforts, c'est manqué. Je me défends à peine, cependant. Je n'appellerai pas au secours. Et je ne lutte même pas. Mais je bouge. Pauvre ami, c'est manqué encore. Continue, ce petit jeu m'amuse. D'autant que je suis sûr de vaincre. Encore un essai malheureux, et peut-être tu seras moins disposé à me prouver tes désirs éteints. Bourreau, que fais-tu? Chien, tu me brises les poignets. Et ce genou qui m'éventre. Ah, va maintenant, c'est une belle victoire que de ravir à terre une jeune fille en larmes. Fin de la section 27 des chansons de Bilitis. Enregistrée par Séverine. Section 28 des chansons de Bilitis. Ceci est un enregistrement LibriVox, tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les chansons de Bilitis par Pierre Louis. Section 28. 136 chansons. Le premier me donna un collier de perles qui vaut une ville, avec les palais et les temples et les trésors et les esclaves. Le second fit pour moi des vers. Il disait que mes cheveux sont noirs comme ceux de la nuit sur la mer, et mes yeux bleus comme ceux du matin. Le troisième était si beau que sa mère ne l'embrassait pas sans rougir. Il mit ses mains sur mes genoux et ses lèvres sur mon pied nu. Toi, tu ne m'as rien dit, tu ne m'as rien donné car tu es pauvre, et tu n'es pas beau, mais c'est toi que j'aime. 137. Conseil à un amant. Si tu veux être aimé d'une femme, ô jeune ami, quelle qu'elle soit, ne lui dis pas que tu la veux, mais fais qu'elle te voie tous les jours, puis disparais, pour revenir. Si elle t'adresse la parole, sois amoureux sans empressement, elle viendra d'elle-même à toi. Sache alors la prendre de force le jour où elle entend se donner. Quand tu la recevras dans ton lit, néglige ton propre plaisir. Les mains d'une femme amoureuse sont tremblantes et sans caresse, dispense-les d'être zélées. Mais toi, ne prends pas de repos, prolonge les baisers à perte d'haleine, ne la laisse pas dormir, même si elle t'en prie. Baisse toujours la partie de son corps vers laquelle elle tourne les yeux. 138. Les amis à dîner. Miromeris et Mascalet, mes amis, venez avec moi, car je n'ai pas d'amant ce soir, et couchés sur des lits de byssos, nous causerons autour du dîner. Une nuit de repos vous fera du bien. Vous dormirez dans mon lit, même sans fard et mal coiffé. Mettez une simple tunique de laine et laissez vos bijoux au coffre. Nul ne vous fera danser pour admirer vos jambes et les mouvements lourds de vos reins. Nul ne vous demandera les figures sacrées pour juger si vous êtes amoureuse. Et je n'ai pas commandé pour nous deux joueuses de flûte aux belles bouches, mais deux marmites de pois rissolées, des gâteaux au miel, des croquettes frites et ma dernière outre de Chios. 139. Le tombeau d'une jeune courtisane. Ici gît le corps délicat de Lydée, petite colombe, la plus joyeuse de toutes les courtisanes, qui plus que tout autre aima les orgies, les cheveux flottants, les danses molles et les tuniques d'hyacinthe. Plus que tout autre, elle aima les glottismes savoureux, les caresses sur la joue, les jeux que la lampe voit seule et l'amour qui brise les membres. Et maintenant, elle est une petite ombre. Mais avant de la mettre au tombeau, on l'a merveilleusement coiffée et on l'a couchée dans les roses. La pierre même qui la recouvre est toute imprégnée d'essence et de parfums. Terre sacrée, nourrice de tout, accueille doucement la pauvre morte, endors-la dans tes bras, ô mère, et fais pousser autour de la stèle, non les orties et les ronces, mais les faibles violettes blanches. 140. La petite marchande de roses. Hier, m'a dit Naïs, j'étais sur la place, quand une petite fille en loques rouges a passé, portant des roses, devant un groupe de jeunes gens, et voici ce que j'ai entendu. Achetez-moi quelque chose. Explique-toi, petite, car nous ne savons pas ce que tu vends. Toi, tes roses ou tout à la fois? Si vous m'achetez toutes mes fleurs, vous aurez la vendeuse pour rien. Et combien veux-tu de tes roses? Il faut 6 oboles à ma mère, ou bien je serai battue comme une chienne. Suis-nous, tu auras une drachme. Alors je vais chercher ma petite sœur? Cette enfant n'est pas courtisane, Bilitis, nul ne la connaît. Vraiment, n'est-ce pas un scandale? Et tolérerons-nous que ces filles viennent salir dans la journée les lits qui nous attendent le soir? Fin de la section 28 des chansons de Bilitis. Enregistrée par Séverine. Section 29 de Les chansons de Bilitis. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Herman Roskams. Les chansons de Bilitis par Pierre Louis. Section 29. 141. La dispute. Ah, par l'Aphrodita, te voilà, tête de sang, pourriture, empuse, stérile, carcan, gauchère, digne de rien, mauvaise truie. N'essaye pas de me fuir, mais approche, et plus près encore. Voyez-moi cette femme de matelot qui ne sait pas même plisser son vêtement sur l'épaule, et qui met de si mauvais fard que le noir de ses sourcils coule sur sa joue en ruisseau d'encre. Tu es phoénicienne. Couche avec ceux de ta race. Pour moi, mon père était Hélène. J'ai droit sur tous ceux qui portent le pétase, et même sur les autres, s'il me plaît ainsi. Ne t'arrête plus dans ma rue, ou je t'enverrai dans l'Hadès faire l'amour avec Caron, et je dirai très justement que la terre te soit légère, pour que les chiens puissent te déterrer. 142. Mélancolie. Je frissonne, la nuit est fraîche et la forêt toute mouillée. Pourquoi m'as-tu conduite ici? Mon grand lit n'est-il pas plus doux que cette mousse semée de pierres? Ma robe à fleurs aura des taches de verdure. Mes cheveux seront mêlés de brindilles. Mon coude, regarde mon coude, comme il est déjà souillé de terre humide. Autrefois pourtant, je suivais dans les bois celui... Ah! Laisse-moi quelque temps. Je suis triste ce soir. Laisse-moi, sans parler, la main sur les yeux. En vérité, ne peux-tu attendre? Sommes-nous des bêtes brutes pour nous prendre ainsi? Laisse-moi. Tu n'ouvriras ni mes genoux, ni mes lèvres. Mes yeux même, de peur de pleurer, se ferment. 143. La petite Fanion. Étranger, arrête-toi. Regarde qui t'a fait signe. C'est la petite Fanion de Cos. Elle mérite que tu la choisisses. Vois, ses cheveux frisent comme du persil. Sa peau est douce comme un duvet d'oiseau. Elle est petite et brune. Elle parle bien. Si tu veux la suivre, elle ne te demandera pas tout l'argent de ton voyage. Non, mais un drachme ou une paire de chaussures. Tu trouveras chez elle un bon lit, des figues fraîches, du lait, du vin et, s'il fait froid, il y aura du feu. 144. Indication. S'il te faut, passant, qui t'arrête, des cuisses élancées et des reins nerveux, une gorge dure, des genoux qui étreignent, va chez Plango. C'est mon ami. Si tu cherches une fille rieuse, avec des seins exubérants, la taille délicate, la croupe grasse et les reins creusés, va jusqu'au coin de cette rue où demeure Spidorodelis. Mais si de longues heures tranquilles dans les bras d'une courtisane, la peau douce, la chaleur du ventre et l'odeur de cheveux te plaisent, cherche Milto, tu seras content. N'espère pas beaucoup d'amour, mais profite de son expérience. On peut tout demander à une femme quand elle est nue, quand il fait nuit et quand les 100 drachmes sont sur le foyer. 145. Le marchand de femmes. Qui est là ? Je suis le marchand de femmes. Ouvre la porte, Sostrata. Je te présente 2 occasions. Celle-ci d'abord. Approche, Anacyrtolis, et défais-toi. Elle est un peu grosse. C'est une beauté. De plus, elle danse la cordax. Et elle sait 80 chansons. Tourne-toi. Lève tes bras, montre tes cheveux, donne le pied, souris. C'est bien. Celle-ci maintenant, elle est trop jeune. Non pas. Elle a eu 12 ans avant-hier et tu ne lui apprendrais plus rien. Ôte ta tunique, voyons. Non. Elle est maigre. Je n'en demande qu'une mine. Et la première? 2 mines 30. 3 mines les deux? C'est dit. Entrez là et lavez-vous. Toi, adieu. Fin de la section 29. Section 30 de Les chansons de Bilitis. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Herman Roskans. Les chansons de Bilitis par Pierre Louis, section 30. 146. L'étranger. Étranger, ne va pas plus loin dans la ville. Tu ne trouveras ailleurs que chez moi des filles plus jeunes ni plus expertes. Je suis Sostrata, célèbre au-delà de la mer. Vois celle-ci dont les yeux sont verts comme l'eau dans l'herbe. Tu n'en veux pas? Voici d'autres yeux, qui sont noirs comme la violette et une chevelure de 3 coudées. J'ai mieux encore. Xanto, ouvre ta cyclas. Étranger, ses seins sont durs comme le coin. Touche-les. Et son beau ventre, tu le vois? Porte les 3 plis de Kypris. Je l'ai acheté avec sa sœur, qui n'est pas d'âge à aimer encore, mais qui la seconde utilement. Par les 2 déesses, tu es de race noble. Phyllis et Xanto, suivez les chevaliers. 147. Phyllis, non traduite. 148. Le souvenir de Mnasidika. Elles dansaient l'une devant l'autre, d'un mouvement rapide et fuyant. Elles semblaient toujours vouloir s'enlacer, et pourtant ne se touchaient point, si ce n'est que du bout des lèvres. Quand elles tournaient le dos en dansant, elles se regardaient, la tête sur l'épaule, et la sueur brillait sous leurs bras levés, et leurs chevelures fines passaient devant leurs seins. La longueur de leurs yeux, le feu de leurs joues, la gravité de leur visage étaient 3 chansons ardentes. Elles se frôlaient furtivement, elles pliaient leur corps sur les hanches. Et tout à coup, elles sont tombées pour achever à terre la danse molle. Souvenir de Mnasidika, c'est alors que tu m'as paru, et tout, hors ta chère image, me fut importun. 149. La jeune mère. Ne crois pas, Myromeris, que, d'avoir été mère, tu sois moindre en beauté. Voici que ton corps sous la robe a noyé ses formes grêles dans une voluptueuse mollesse. Tes seins sont 2 vastes fleurs renversées sur ta poitrine, et dont la queue coupée nourrit une sève laiteuse. Ton ventre plus doux défaille sous la main. Et maintenant, considère la toute petite enfant qui est née du frisson que tu as eu un soir dans les bras d'un passant dont tu ne sais plus le nom. Rêve à sa lointaine destinée. Ses yeux, qui s'ouvrent à peine, s'allongeront un jour d'une ligne de phare noir. Et ils sèmeront aux hommes la douleur ou la joie d'un mouvement de leurs cils. 150. L'inconnu. Il dort. Je ne le connais pas. Il me fait horreur. Pourtant, sa bourse est pleine d'or et il a donné à l'esclave 4 drachmes en entrant. J'espère une mine pour moi-même. Mais j'ai dit à la phrygienne d'entrer au lit à ma place. Il était ivre et l'a prise pour moi. Je serais plutôt morte dans les supplices que de m'allonger près de cet homme. Hélas, je songe aux prairies de Tauros. J'ai été une petite vierge. Alors, j'avais la poitrine légère et j'étais si folle d'envie amoureuse que je haïssais mes sœurs mariées. Que ne faisais-je pas pour obtenir ce que j'ai refusé cette nuit? Aujourd'hui, mes mamelles se plient et dans mon cœur trop usé, Eros s'endort de lassitude. Fin de la section 30. Section 31 de Les chansons de Bilitis. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Herman Roskams. Les chansons de Bilitis par Pierre Louis. Section 31. 151. La duperie. Je m'éveille. Est-il donc parti? Il a laissé quelque chose? Non. 2 amphores vides et des fleurs souillées. Tout le tapis est rouge de vin. J'ai dormi, mais je suis encore ivre. Avec qui donc suis-je rentré? Pourtant, nous nous sommes couchés. Le lit est même trempé de sueur. Peut-être étaient-ils plusieurs. Le lit est si bouleversé. Je ne sais plus. Mais on les a vus. Voilà ma phrygienne. Elle dort encore en travers de la porte. Je lui donne un coup de pied dans la poitrine et j'écris « Chienne, tu pouvais pas ?» Je suis si enroué que je ne puis parler. 152. Le dernier amant. Enfant, ne passe pas sans m'avoir aimé. Je suis encore belle dans la nuit. Tu verras combien mon automne n'est plus chaud que le printemps d'une autre. Ne cherche pas l'amour des vierges. L'amour est un art difficile où les jeunes filles sont peu versées. Je l'ai appris toute ma vie pour le donner à mon dernier amant. Mon dernier amant, ce sera toi, je le sais. Voici ma bouche pour laquelle un peuple a pâli de désir. Voici mes cheveux, les mêmes cheveux que Psapha, la grande, a chanté. Je recueillerai en ta faveur tout ce qui m'est resté de ma jeunesse perdue. Je brûlerai les souvenirs eux-mêmes. Je te donnerai la flûte de Lycas, la ceinture de Mnasidika. 153. La colombe. Depuis longtemps déjà je suis belle. Le jour vient où je ne serai plus femme. Et alors, je connaîtrai des souvenirs déchirants, les brûlantes envies solitaires et les larmes dans les mains. Si la vie est un long songe, à quoi bon lui résister? Maintenant, 4 et 5 fois la nuit je demande la jouissance amoureuse, et quand mes flancs sont épuisés, je m'endors où mon corps tombe. Au matin, j'ouvre les paupières et je frissonne dans mes cheveux. Une colombe est sur ma fenêtre. Je lui demande en quel mois nous sommes. Elle me dit, c'est le mois où les femmes sont en amour. Ah, quel que soit le mois, la colombe dit vrai, Kypris, et je jette mes 2 bras autour de mon amant, et avec de grands tremblements, J'étire jusqu'au pied du lit mes jambes encore engourdies. 154. La pluie au matin. La nuit s'efface. Les étoiles s'éloignent. Voici que les dernières courtisanes sont rentrées avec les amants. Et moi, dans la pluie du matin, j'écris des vers sur le sable. Les feuilles sont chargées d'eau brillante. Des ruisseaux à travers les sentiers entraînent la terre et les feuilles mortes. La pluie, goutte à goutte, fait des trous dans ma chanson. Oh, que je suis triste et seul ici. Les plus jeunes ne me regardent pas. Les plus âgés m'ont oublié. C'est bien. Ils apprendront mes vers et les enfants de leurs enfants. Voilà ce que ni Myrtale, ni Thaïs, ni Glykera ne se diront, le jour où leurs belles joues seront creuses. Ceux qui aimeront après moi chanteront mes strophes ensemble. Fin de la section 31. Section 32 de Les chansons de Bilitis. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Herman Roskams. Les chansons de Bilitis par Pierre Louis. Section 32. 155. La mort véritable. Aphrodite, déesse impitoyable, tu as voulu que sur moi aussi la jeunesse heureuse aux beaux cheveux s'évanouît en quelques jours. Que ne suis-je morte tout à fait? Je me suis regardée dans mon miroir. Je n'ai plus ni sourire, ni larmes. Ô doux visage qu'aimait Mnasidika, je ne puis croire que tu fus le mien. Se peut-il que tout soit fini? Je n'ai pas encore vécu 5 fois 8 années. Il me semble que je suis né d'hier, et déjà voici qu'il faut dire, on ne m'aimera plus. Toute ma chevelure coupée, je l'ai tordue dans ma ceinture, et je te l'offre, Kypris éternel. Je ne cesserai pas de t'adorer. Ceci est le dernier vers de la pieuse Bilitis. Le tombeau de Bilitis, 156, première épitaphe. Dans le pays où les sources naissent de la mer, et où le lit des fleuves est fait de feuilles de roche, moi, Bilitis, je suis né. Ma mère était phoïnikienne, mon père, Damophilos, Hélène. Ma mère m'a appris les chants de Byblos, triste comme la première aube. J'ai adoré l'Astarté à Chypre, j'ai connu Psapha à Lesbos, j'ai chanté comme j'aimais. Si j'ai bien vécu, passant, dis-le à ta fille, et ne sacrifie pas pour moi la chèvre noire, mais en libation douce, presse sa mamelle sur ma tombe. 157. Seconde épitaphe. Sur les rives sombres du Mélas, à Thamassos de Pamphylie, moi, fille de Damophilos, Bilitis, je suis né, je repose loin de ma patrie, tu le vois. Tout enfant, j'ai appris les amours de l'Adonne et de l'Astarté, les mystères de la Syrie sainte et la mort et le retour vers celle aux paupières arrondies. Si j'ai été courtisane, quoi de blâmable? N'était-ce pas mon devoir de femme? Étranger, la mère de toutes les choses nous guide. La méconnaître n'est pas prudent. En gratitude à toi, qui t'es arrêté, je te souhaite ce destin. Puisses-tu être aimé, ne pas aimer. Adieu. Souviens-toi dans ta vieillesse que tu as vu mon tombeau. 158. Dernière épitaphe. Sous les feuilles noires des lauriers, sous les fleurs amoureuses des roses, c'est ici que je suis couché. Moi qui suis tressé le verre au verre et faire fleurir le baiser. J'ai grandi sur la terre des nymphes, j'ai vécu dans l'île des amis, je suis morte dans l'île des Kypris. C'est pourquoi mon nom est illustre et ma stèle frottée d'huile. Ne me pleure pas, toi qui t'arrêtes. On m'a fait de belles funérailles. Les pleureuses se sont arrachées les joues. On a couché dans ma tombe mes miroirs et mes colliers. Et maintenant, sur les pâles prairies d'asphodèles, je me promène, ombre impalpable, et le souvenir de ma vie terrestre est la joie de ma vie souterraine. Fin de la section 32. Fin des chansons de Bilitis par Pierre-Louis.